Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle édition des Mickaël à la radio, 6h23. Le warm-up se termine avec un peu d'avance, mais c'est pas très grave. Julie qui est en pleine forme? Toujours en pleine forme. Ah oui, oh c'est là impressionnant. Ah oui, comme hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc nous avions eu Marge avec nous, hein, Marge Simpson, ou à un certain moment il y a eu également la mère Fouras. Voilà, je varie. Hein, voilà, c'est ça, elle varie un petit peu. Je voulais juste passer un message à Vince qui a quitté le studio il y a à peu près 4-5 heures là. S'il pouvait éviter de laisser traîner ses longs cheveux noirs sur la table de mixage, c'est quand t'arrives ça fait un peu dégueulasse, tu vois, même si on sait que c'est des cheveux, mais imagine que c'est les longs cheveux noirs d'une jolie fille. Ouais, bah non, en fait non, parce que là ça boucle un peu, tu sais, Vince, comme il a des nattes et tout là, ça fait un peu particulier. Vince que vous retrouvez évidemment pour la libre antenne, ce sera ce soir à partir de 20h. Voilà, Dove qui est là également, hein, qui s'est bien habillé pour Julie aujourd'hui. Mais évidemment, non, elle a mis une petite chemise. Ouais, ouais. T'as vu un peu tout ce que je fais pour toi. Petite chemise et tout, alors que elle, hein. Quoi, moi j'ai un gros foulard autour de mon cou parce que je suis malade. Oui, allez. Voilà. T'as surtout remis la même chemise qu'hier. J'ai décidé que j'allais la mettre toute la semaine. Comment? Tu as découché? Bah écoute, non, pas du tout. C'est juste qu'elle est pleine de microbes. Je me suis dit. Restons dedans, hein, tant qu'à faire. Très honnêtement. J'y partage, tu as bien raison. Mais oui. Je me suis retournée directement dans mon lit hier, donc je n'ai fait que la radio avec cette chemise. Je me suis dit que je pouvais me permettre de la remettre. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, c'est bien pour nous, hein, parce que comme ça au moins ça varie pour nous, c'est pas mal. Ouais. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien vécu les orages. Moi j'étais en pleine danse, c'est-à-dire que j'ai à 4h du mat, je sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais alors au niveau des orages, là, d'une violence encore, là, bon, pas grand chose par rapport à jeudi, mais. Moi je dormais comme un bébé. Ah ouais, bah écoute, moi pas. En fait, le problème c'est que j'ai pas de rideau chez moi, donc si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a un moment j'avais les yeux fermés avec avec les éclairs, j'avais l'impression d'être au carré, si tu veux. Boîte ça de tapait nuit. Partout. Ah, en plus ça tombait, tout ça, c'était violent. Bah dites-nous un peu comment ça s'est passé chez vous au niveau des intempéries cette nuit en Belgique. Là, est-ce que vous avez bien galéré ou pas? Apparemment, on en parlera dans les infos, mais c'est tombé aussi là, au niveau de Mons, là, une école aussi qui a été ravagée par les flammes. Tout à fait, on va en parler. Donc, on en parlera tout à l'heure, là, c'est. Bah, la nouvelle pour les étudiants. Oh, bah, on va commencer plus tard, du coup. Ah, tiens. Bah, dommage. Ah, bah, ouais, c'est enfin, con. Non, t'inquiète pas, ils vont te livrer du préfabriqué. Exactement, tu vas adorer l'école. Dire. Ouais, voilà. Ça va encore être mieux. Il va faire froid et tout. Tu vas bien aimer. Bon, bah, alors, dites-nous comment ça s'est passé chez vous au niveau des intempéries, justement. On peut en parler jusqu'à 9h30 ce matin, puisqu'on est en direct avec vous jusqu'à 9h30. On aura l'occasion de payer vos factures. Ce sera tout à l'heure, évidemment. Si vous voulez qu'on vous paye vos factures, eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 63 22. Débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de cette dernière et c'est 1€ par message. Et si vous êtes tiré au sort, dans un peu plus d'une demi-heure, on tirera quelqu'un au sort pour lui filer justement l'oseille. On aura aussi la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure. On aura l'occasion d'appeler quelqu'un pour aider Kadhafi. Vous savez, Kadhafi est dans la merde maintenant là. Il est un petit peu dans la merde, oui. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il est recherché par la terre entière. Mais heureusement, Toff est un ami de Kadhafi personnel. Bah oui, et donc j'ai décidé de l'aider aujourd'hui. Voilà, Toff a décidé d'aider son ami justement et ça fait plaisir. Donc on aura l'occasion d'écouter ça tout à l'heure, évidemment. C'est mon ami quand même. Ouais, enfin il va essayer en tout cas de l'aider. Et puis bien évidemment la blague du jour. La blague du jour, on va la commencer maintenant. Tiens, blague du jour avec vous toutes et vous tous. Si vous voulez faire la blague du jour 30-44, allez-y. Et le premier auditeur ou auditrice ce matin, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est Raphaël. Ah, c'est Raphaël, c'est un auditeur, un homme. Ça fera plaisir à Julie. Ouh. Bah oui, c'est un mâle. Salut Raphaël. Salut. Ça, ouh, là, ah, il a la même voix que moi. Ah oui, toi tu dors encore un peu, non? Ouais, j'ai réveiller à la store. Ah, tu travailles à la store? Salut Raphaël! Comment ça va? La violence. Le mec bien relou. Ah ouais. Bon, Raphaël, t'es dans quelle ville? Verviers. À Verviers, d'accord, ok, très bien. Il fait encore noir à Verviers? C'est une question à la con, c'est juste quand tu dors, tu dis que j'en sais rien. Non, ça va, le soleil commence à se lever. D'accord, c'est déjà ça. Bon, la petite blague du jour, alors on t'écoute. Ah, il faut s'en souvenir, hein, c'est ça le plus dur. Hein. Vas-y, tu peux le faire, on est avec toi, on y croit, vas-y. Allez, Raphaël. Vas-y, vas-y. Attends. Allez, vas-y, réfléchis. Oh, il est 6h30, c'est normal, il est un peu t'es dans le coltard. Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est rose? Qu'est-ce qui est rose et qui vole? Qu'est-ce qui est rose et qui vole? C'est pas un éléphant rose? Non, non, bah non. Non, c'est quoi? Je sais pas. Un cochon avec des ailes. Un quoi? Un cochon avec des ailes. Oui, bah il était au réveil, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir d'une grecque non plus, hein. Mais oui, tu étais au réveil. Raphaël? Ouais. Je te souhaite une bonne nuit. Rendors-toi bien. Oui, allez, fais dodo, compte les moutons. Un mouton qui saute la barrière et deux moutons qui sautent la barrière. Je crois qu'il n'aura pas besoin de compter les moutons, il va se rendormir direct. C'est vrai, je crois aussi. Dans un instant, restez là, c'est les infos qui débarquent. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors matin, restez ici. Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et on salue ceux qui sont connectés aussi sur le groupe Facebook pour rejoindre tout le monde, écouter le replay, etc. C'est sur mikl.fm et une minute avant les autres. Mais oui, je vois que tu... Les infos. Tu ne reviens pas toi-même. Oui, j'ai décidé de partir du bon pied aujourd'hui et de faire les infos avec un peu d'avance pour rattraper tous les autres jours où on est en retard. C'est merci, parti. Merci, Mickaël. Salut à tous. Les orages violents ont encore éclaté cette nuit. Le Brabant Wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Caves et routes inondées, coulées de boue. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie qui s'est déclaré ce matin un peu avant 2h, probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé et n'a fait heureusement aucun blessé. TestaChat va introduire une plainte contre Brussels Airlines et Ryanair, et ce en raison de certains suppléments de prix appliqués par ces compagnies aériennes, et précisément pour le credit card fee, un supplément demandé par la compagnie aérienne pour l'utilisation d'une carte de crédit comme moyen de paiement. L'association de défense des intérêts des consommateurs demande dans le même temps aux autorités d'analyser si les tours opérateurs Jetair et Thomas Cook respectent la loi. Braquage dans une station à Ans, une station service à Ans. Un individu encagoulé et armé a fait irruption dans la nuit de dimanche à lundi dans la station. Il a tout d'abord pointé son arme en direction du préposé réfugié derrière sa vitre pare-balles, puis a introduit l'arme dans l'ouverture destinée à passer l'argent. Le préposé a alors donné le contenu de la caisse au braqueur. Ce dernier a pris la fuite. Peucolpop, les festivaliers peuvent récupérer leurs objets perdus auprès de la police d'Asselt. Les documents retrouvés tels que carte d'identité, carte 6 et abonnement de train seront quant à eux envoyés à la zone de police la plus proche du domicile de leur propriétaire. Dans l'affaire DSK, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre Nafissatou Diallo, la victime présumée, aurait trop menti ces dernières semaines, même s'il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. La fin de la procédure pénale ne met cependant pas un point final à l'affaire aux États-Unis. Les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé en début du mois une procédure civile devant le tribunal pour obtenir des dommages et intérêts. En Libye, la résidence de Kadhafi est pilonnée par l'OTAN. En ce moment, les rebelles ont envahi la capitale. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier dans les médias, les fils de Kadhafi sont toujours en liberté et devrait encore être à Tripoli. Pour la communauté internationale, il faut se préparer à l'après Kadhafi, car la fin de son règne est proche. Un enfant a été défenestré, pieds et poings liés à Paris. Un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé gravement blessé en bas de son immeuble, pieds et poings liés, visiblement défenestré à la Courneuve, commune de Seine-Saint-Denis. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale, oui, pour laquelle le père aurait puni son enfant bien en l'attachant. Tombé du cinquième étage, par miracle, les jours de l'enfant ne sont pas cinquième en danger. Cinquième étage, ouais. Et il avait survécu. Oui, oui. Eh ben dis donc, pas mal, hein, mais pieds et poings liés. Comment tu peux balancer ton fils hors de la fenêtre, pieds et poings liés, pour le punir? Moi, j'ai méchant, arrêté tiens. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Quelle bande de dingue. Bon, allez. 6h32, la météo maintenant, toujours avec Marc Simpson avec nous. Et toujours. Toujours. Et pluie et averse au programme de la journée. Le sud du pays devrait normalement, lui, voir quelques éclaircies. Il va faire lourd aujourd'hui jusqu'à 29 degrés. Demain, averse et risque d'orage au programme. Super. Normalement, ce sera juste dans l'est du pays. Le reste devrait être épargné. Les températures vont perdre quelques degrés. C'est déjà ça. Fun Radio. Fun Radio. Et à 6h33, c'est l'info en plus. Alors bon, on n'a pas eu un été top. Ah, ça je confirme. Le soleil n'était pas franchement au rendez-vous. On est dedans encore. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, tu vois. On n'a pas eu à l'époque. Non, on est encore en été pendant un mois. Hein. Ben voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont faire forcément des UV, donc ils vont dans les cabines de bronzage. Et il y a une étude qui a prouvé que plus tu fais des UV, plus t'as envie de faire des UV, donc t'as un peu une crise de manque de cabines de bronzage, quoi. Donc comme hier, la crise de manque chips. Des crasses, exactement. Eh bien, il y a une étude qui a prouvé que plus tu fais des UV, plus tu as besoin de faire des UV, comme une crise de manque. D'accord, ok. Donc, mais sauf que ça coûte plus cher que des chips pour le coup. Oui. Alors évitons, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que ça peut quand même amener le cancer et ça vieillit la peau plus vite. Oui, la cigarette aussi. Oui, mais moi j'ai arrêté. Hein. Oui, je sais, ça ne s'entend pas. Mais oui, là, pour l'instant, ça s'entend pas des basses, effectivement. 6h34, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio avec dans un instant Man et Snoop Dogg. Ce sera The Max sur Fun. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Yeah, yeah, yeah. Snoop Dogg. We stay fresh. Le son de Mal avec Snoop Dogg à l'instant. C'était The Mac, la reprise de Mark Morrison. Donc. Et puis Snoop Dogg qui va plutôt bien puisqu'il est 8e rappeur le mieux payé l'année dernière. C'est plutôt pas mal. Exactement. Je le voyais premier, cela dit au passage. Hein. Alors, tu vas deviner qui est le premier d'ailleurs. Toi, t'as une idée? Jay-Z. Ouais. Bah voilà, comme quoi. Ah bah ouais, hein, j'allais dire. Je pense que tout le monde a compris qui était le mieux payé. C'est le magazine Forbes qui a établi une liste qui reprend les rappeurs qui ont été le mieux payés donc l'année dernière. Le premier est effectivement Jay-Z avec combien de millions de dollars? Faites-vous plaisir. On est en centaines de millions. Oui, c'est en centaines là. Bah non, pas tant que ça en fait. J'étais assez étonné. Ouais, il va mal. Bah écoute, c'est un don à Jay-Z, aller acheter son nouvel album. Mais oui, c'est ça. 37 millions de dollars. Ah seulement? Ouais, bah ouais. Bientôt le malheureux. C'est ça, c'est limite. Le deuxième, c'est Didi. Il va aller au CPS bientôt. Non, mais le malheureux là. Le deuxième, c'est Didi avec 35 millions de dollars. Et le troisième, c'est Kanye West avec 16 millions de dollars. Et effectivement, comme tu le disais. Snoop Dogg, il est vraiment à la rue le pauvre. Snoop Dogg est à la rue avec 14 millions de dollars et 8e au classement. Mais comment il fait pour vivre? Ça, je ne sais pas. Non, mais parce qu'avec tout ce qu'il dépense, comment il fait pour vivre? 14 millions, c'est pas assez. 14 millions, ça va quoi. Ah ouais, non mais tu sais, je te rappelle, c'est qui avait payé une bouteille de champagne là, qui avait payé 150 000. Je vous rappelle qu'ils ont gagné ça en un an. Bah, qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a plus rien qui marche. Bon bah c'est pas grave. Oui, il y a certaines villes chez qui ça ne marche plus, c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, on va revenir juste après ça sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Oui, effectivement. Fun Radio. L'horoscope. Du moins, on essaye. Non, l'horoscope, c'est tout à l'heure. Il y a plein qui marche. Vous n'êtes pas encore arrivé. Oui, la machine est un peu malade également, comme Julie. Hein. tout va bien. Donc voilà. Donc il y a des villes qui tout s'est bien passé. Et puis après, il y a certaines villes où la pub est partie toute seule. On est désolé. Moi, j'y suis pour rien. Je n'ai pas absolument pas touché à la machine. Mais ça. Nous sommes sur le coup. Bon, 6h43. Que se passe-t-il sur les routes? Alors, il y a un accident sur le 40 Gand en direction de Bruxelles, à hauteur de Ternat. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Soyez prudents. D'accord. Donc, ouais, faites attention. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant? Tout ce qu'il y a pour l'instant. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, à mon avis, les éternels embouteillages à cause des travaux là, oui, sur le viaduc de Villevorde et à Waterloo aussi sur le ring. Et voilà. Sur le 42 à l'approche des travaux à Oudingouni. Voilà, c'est ça. Et si vous êtes témoin d'un radar, d'un accident, d'un embouteillage, n'importe quoi, faites passer le message à 30-44, 50 centimes le message justement. Comme ça, nous, on transmettra directement à tous les auditeurs de Fun. Bon, on se fait un petit lignanti relou là. Ah, ça fait un petit temps là, hein. Ça fait 24 heures. Allez, c'est parti. Le numéro de la ligne anti-relou 0473 86 0013. On vous passe les meilleurs messages. Et oui, c'est comme ça tous les matins à 7h-, 8h- et 9h-, les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. C'est le numéro de téléphone qu'il faut impérativement retenir. Toff l'a déjà pris en pleine tronche plusieurs fois d'affilée. Ouais, mais je commence à m'y faire, mon nouveau numéro. Oui, mais il est bien aussi, hein, cela dit, ouais. Du coup, il y a plein d'appels et tout, c'est magnifique. Et donc, c'est un numéro qu'il faut impérativement, évidemment, donner à tous les relous qui vous draguent péniblement, durement d'ailleurs, dans les boîtes, dans les bars, dans les restos, etc. Vous êtes une fille, vous êtes un mec aussi en général, mais c'est plus souvent chez les filles. Vous donnez ce numéro de téléphone à tous les relous qui vous draguent. Ils seront contents et seront calmés parce qu'ils penseront avoir votre numéro, vont vous appeler, vont laisser un message sur notre répondeur. Et puis nous, évidemment, on se fera un plaisir de tout diffuser à l'antenne. On va démarrer par le premier aujourd'hui, ce mardi 23 août. C'est Philippe qui m'a donné ton numéro au Lin du Garden. En fait, j'avais pris un volo en frites avec deux mayonnaises. Et donc, on a un petit peu discuté. Ma panne, rappelle-moi. Mais cette voix, mais moi, tu avais pris un vol au vent frites avec deux mayonnaises. Ah non, c'est un petit peu flippant, ça, quand même. Le mec qui analyse que tu manges. Et non, mais surtout les deux mayonnaises. Tu sais, le vol au vent, bon, en passant, mais qui avait pris deux mayonnaises. Oui, deux mayonnaises. Et tu as bu trois gorgées de coca. Hein, j'ai bien vu que c'était du coca zéro de loin, donc on a un petit peu parlé. Mais rappelle-moi. Bon, premier message sur l'identité relou, on va passer au second maintenant. Oui, Julie. On va louer un autre. Enfin, on va louer une chambre, comme tu as dit. On est tous les deux ensemble, on y va. Oui, c'est bien. Maintenant, tu m'as dit, mets-toi à l'aise, j'arrive, j'ai les préservatifs. Moi, je suis à poil dans le lit, mais une demi-heure, je ne suis pas revenu. Alors, moi, c'est comme. Je me rends et. Je jette tout seul ou tu viens m'aider? dépêche-toi, hein. La chambre coûte cher quand même. Allez, salut. C'est pour moi, hein. En plus tu laisses la messagerie, c'est quoi, ça fait rare. Oh bah ça donne envie. Ah Julie, ça donne envie. Alors là écoute, c'est ce genre à toi, de mec, mais c'est pas possible quoi. Hein non. Ah, mais il faut quand même se rendre compte que la meuf, elle l'a emmené jusqu'à l'hôtel. Ils sont arrivés dans la chambre et là elle lui fait attends, je vais chercher des préservatifs. Ouais, et c'est ça, elle revient pas. Jamais. Bah attends, mais c'est normal, elle a raison. Bon allez, troisième et dernier message maintenant sur la ligne anti-relou, écoutons ça. Bonjour mademoiselle X, je suis Calao. Je contacte justement et vous m'avez laissé votre numéro. Donc comme je suis intéressé, ben je vous appelle. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Belle fin de journée à vous. Ah, ça pue le site de rencontre. Mademoiselle X, je suis Calao, 3521. Voilà. Oh, tu vois, en plus, ceux qui prennent des pseudos tout pourris comme ça, tu vois, t'as encore moins envie de leur laisser ton numéro. Ah oui, c'est clair. Ouais. Voilà, Ligne anti-relou, c'est terminé pour l'instant, évidemment, mais rassurez-vous, ça reviendra tout à l'heure. Ligne anti-relou, le numéro à ne pas oublier et à donner à tous les relous de Belgique, 0473 86 0013. Petite info vite fait, route de nouveau, accident sur la E42 après le tunnel de Coin direction Bruxelles. Voilà, donc si vous pouvez éviter cet endroit, bah faites-le, et puis sinon bah écoutez Fun hein, dans les embouteillages, ça passera le temps, du moins on fera ce qu'on peut. Et on va se faire maintenant la question qui colle. Alors attention, des cadeaux à gagner évidemment pour la question qui colle, ça tombe sous le sens. Oula, tu te prépares là en fait. Oui, effectivement. D'accord. Petit iPod à gagner pour la question qui colle. Oh, excuse-moi, petit iPod. Oui, petit iPod, on a décidé d'être à la cool aujourd'hui. Voilà, petit iPod à gagner. Qui est la célébrité la plus détestée du monde? Ce n'est pas Julie qui fait les infos. Elle n'est pas assez célèbre. Ah oui, c'est vrai. Pas encore. Qui est la célébrité la plus détestée du monde? Si vous avez la bonne réponse, 3044, il y a un petit iPod à gagner. 3044, 50 centimes le message, donc vous y allez. Quelle est la célébrité la plus détestée du monde? Voilà, mais en attendant. Un petit iPod, c'est un iPod nano? J'en sais rien, oui, c'est un iPod, on m'a pas précisé donc. Ah, d'accord. Donc, moi j'ai dit petit iPod, comme ça je suis tranquille. Et on va s'écouter Sac Noël à 6h48 sur Fun Radio. Sac Noël, c'est Loca People sur Fun Radio. All night. Sac Noël à l'instant sur Fun Radio. Je trouve que le titre aurait été vachement plus sympa en s'appelant What the Fuck. Bah oui, surtout que Sac Noël, ça me fait penser à Noël et on est déjà pas sorti de l'auberge avec le traité. Ah oui, ça c'est clair. Sac Noël donc à l'instant, et puis petit rappel de la question qui colle, quelle est la célébrité la plus détestée au monde? On proposait Justin Bieber, non? George Bush, non? Plus de ça, ça l'a été probablement, mais plus là maintenant là. Donc si vous avez, je vais vous donner un petit indice, elle a le prénom d'une capitale d'Europe. Oh là là, l'indice, oh ouais, petit indice, ça va quoi. Tu veux pas donner son nom aussi? Aussi ouais, ça peut être Madrid. Oui, bien sûr. Josiane Madrid, Francis London. La fameuse. Voilà, donc voilà, il y a un petit iPod à gagner. Donc quelle est la célébrité la plus détestée du monde, hein, 3044 si vous avez la bonne réponse. Voilà. Bon, ce matin Toff, t'as décidé donc de mettre les petits plats dans les grands. Non, pas exactement. Tu m'as dit qu'on appelait les hôtels de luxe hors antenne. Ouais, mais bon, c'est pour Kadhafi, donc c'est pas non plus. C'est-à-dire pour Kadhafi, parce que on l'a dit tout à l'heure que t'allais lui l'aider, mais c'est-à-dire. Mais comme Julie arrête pas de le dire aux infos, tu vois, ça va plus très fort pour lui en Libye. Il semblerait qu'il se fasse mettre dehors assez rapidement. Oui, ça, donc, c'est moins qu'on puisse dire. Donc du coup, je me suis dit, le Baloro, il peut pas être SDF, il faut qu'on l'accueille quelque part. Et je me suis dit, pourquoi pas en Belgique? Et tu vas te faire passer pour Kadhafi? Ah non, quand même pas. Non, je suis son valet, son bouffon, son moins que rien, mais allez, appelons bon. À Bruges. Eh ben, on va appeler à Bruges maintenant. Un très bel hôtel 5 étoiles. Très bien, allez, c'est parti. Mais ils vont te foutre dehors. J'appelle pour Kadhafi. Va te faire foutre. Welcome to the Duke's Palace, I'm speaking, how may I help you? Hello, bonjour, si c'est pour faire la réservation. Oh, cet accent. Vous voulez le service de réservation, madame? Oui, voilà, s'il vous plaît. Madame. De rien. Madame. Quel accent, mais quel accent. Madame, quand même. Oh, il pète mon accent. Oui, c'est ça. Oui, bijou. My name is Francisca. May I assist you? Oui, je voudrais faire la réservation. D'accord. Pour quelle date, s'il vous plaît? Ce serait rapidement, le plus tôt possible. Pour aujourd'hui? Par exemple. Pour une nuit ou deux nuits? Non, je pense qu'il va rester plus longtemps. Il va rester peut-être une petite semaine. Pour le 27. Oui, voilà. Si bien le 27. Si on veut rester plus longtemps, on peut prolonger un peu? Nous sommes déjà bien réservés. Alors, je fais un monde de suite, par exemple, une suite supérieure pour 479. Oui, d'accord, si pas problème, le prix, si pas problème. Si possible d'avoir quelque chose de grand, parce qu'il faudrait pouvoir mettre la tente dans le salon. Oui, c'est pas problème, nous avons aussi un deluxe suite, 600 Oui, c'est pas problème, c'est pas problème les prix, on s'en fout les prix. Alors on va faire la réservation, on va prendre 5 chambres. D'accord. Alors on va prendre la grande comme vous m'avez dit, et après on va prendre 4 petites hein, parce que c'est pour les bouffons. D'accord. Voilà, c'est compris ? Ouais. Parfait. Et c'est pour le 27. On a dit pour demain, parce que jusqu'au 27. Pour demain. Oui. Oh, excuse-moi. Oui, parce que je pense pas qu'il va arriver à tenir jusqu'au 27. Hein. Va falloir se dépêcher. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est votre nom, monsieur ? Oui, Kadhafi. K-A-D-H-A-F-I. Kadhafi. Et le pronom, s'il vous plaît ? M-O-U-A-2-N-A-R. D'accord. Vous avez une carte de crédit pour la garantie, s'il vous plaît ? Bah, à l'époque, il en avait, mais la banque, elle a bloqué. Alors, on ne paye plus qu'avec le liquide. Mais pas de problème, on vient avec la valise. Non, c'est sans problème. Pour la garantie, un email adresse ? Bien sûr. Alors, c'est M. Oui. Point. Oui. Kadhafi. Oui. Aribaz. Oui. Libya. Oui. Voilà. Point. Oui. Org. D'accord. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? Ça passe plus très bien le téléphone. Je préfère qu'on fasse par mail. Ça marche plus très bien en ce moment le téléphone. D'accord. Merci bien. Nous avons deux chambres pour vous. Non, on a deux chambres seulement. Ah bon, bah, tant pis, les autres, ils vont dormir ailleurs. Bon, deux chambres, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème, on peut arriver. Oui, c'est pas de problème. Bon, bah, très bien, madame. Bah, je remercie. Hein? D'accord, merci bien. Passez la bonne journée, madame. Hein? Et à vous, merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. Non mais c'est l'alu quand même. La meuf elle est d'accord. Eh attends, moi c'est l'alu, c'est tu peux réserver au nom de Kadhafi, payer en liquide et dire que t'as pas le téléphone parce que non, c'est le bordel, c'est chez toi. Et la meuf elle te dit mais pas c'est de problème, ouf, venez ouf chez moi monsieur. Bon, on appellera un autre hôtel tout à l'heure. Ne bougez pas, il est 6h56 sur Fun Radio. Nickel, Fun Radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 6h59 sur Fun Radio, Sarah à l'instant avec Shaggy, c'était Champagne. Et puis restez là dans un instant, les infos vont débarquer avec Marc Simpson comme chaque matin sur Fun Radio. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Dans un instant, on paiera vos factures. Si vous voulez vous inscrire, 63-22. Débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. C'est 1€ par message. On fait ça juste après les infos avec Julie alias Merfouas. Salut à tous. Les orages violents ont encore éclaté cette nuit. Le Brabant Wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Caves et routes inondées, coulées de boue. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie et qui s'est déclaré ce matin un peu avant 2h, probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé et n'a heureusement fait aucun blessé. La foudre a également privé d'électricité certaines parties de la commune de Gerpine, dans la région de Charleroi. La pratique de l'euthanasie est en hausse en Belgique. Le cap du millier par an devrait être franchi cette année. Oui, euthanasie sur 10 sont dues au cancer ou aux suites d'un cancer, pardon, et que dans l'écrasante majorité, 90% des cas, le décès était attendu à brève échéance. TestaChat va introduire une plainte contre Brussels Airlines et Ryanair, et ce en raison de certains suppléments de prix appliqués par ces compagnies aériennes et précisément par le Credit Card Fee, un supplément demandé par la compagnie aérienne pour l'utilisation d'une carte de crédit comme moyen de paiement. L'association de défense des intérêts des consommateurs demande dans le même temps aux autorités d'analyser si les tour opérateurs Jetair et Thomas Cook respecte la loi. Puckle Pop, les festivaliers peuvent récupérer leurs objets perdus auprès de la police d'Asselt. Les documents retrouvés tels que carte d'identité, carte 6 et abonnement de train seront quant à eux envoyés à la zone de police la plus proche du domicile de leur propriétaire. Dans l'affaire DSK, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre, Nafissatou Diallo, aurait trop menti ces dernières semaines, même s'il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. La fin de la procédure pénale ne met cependant pas un point final à l'affaire aux États-Unis. Les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé au début du mois une procédure civile devant un tribunal du Bronx pour obtenir des dommages et intérêts. En Libye, la résidence de Kadhafi est actuellement pilonnée par l'OTAN. Les rebelles ont envahi la capitale et ils attendent les renforts venant d'autres régions. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier dans la presse, les fils de Kadhafi seraient toujours en liberté et devraient encore être à Tripoli. Pour la communauté internationale, il faut se préparer à l'après-Kadhafi, car la fin de son règne est proche. À Paris, un enfant a été défenestré, pieds et poings liés. Un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé gravement blessé en bas de son immeuble à la Courneuve. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale pour laquelle le père aurait puni son enfant en l'attachant. Tombé du 5e étage, par miracle, les jours de l'enfant ne sont pas en danger. 7h04, la météo. Pluie avec... Dégueulasse, hein, voilà, c'est résumé voilà. Maintenant. Hein. Voilà, dégueulasse, mais lourd, jusqu'à 29 degrés. Voilà. Normalement, le sud du pays devrait être épargné avec des éclaircies. Bon, ben, à voir. Demain, averses et risques d'orage, surtout sur l'est du pays. Les températures perdront, par contre, quelques degrés. Et dans 20 secondes, restez là, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 7h04, allez, la météo, on l'a déjà faite, mais l'info en plus maintenant. Alors, laissez-les pendouiller. Est-ce que ce slogan vous dit quelque chose? Oui. Non, mais ça me donne plein d'idées. Voilà. Eh bien, écoute, l'association de défense des animaux Gaïa appelle la population masculine, donc vous, mes chers amis, à ne pas porter de sous-vêtements le vendredi 9 septembre. D'accord, mais si on peut rendre service. Mais c'est pour protester contre la castration sans anesthésie des porcelets mâles. Ah, d'accord. Voilà, donc bon, en Belgique, 5 pas. Millions de porcelets seront castrés donc par an parce que, soi-disant, l'odeur est désagréable quand on cuit cette viande si le porcelet n'a pas été castré. Et ils sont castrés quand même sans anesthésie. Ah ouais. Donc Gaïa demande, gros bâtards, quoi. Voilà, à tous les hommes de laisser pendouiller. Très bien. Voilà, c'est couille. Bah, t'offres ça avec plaisir. Mais avec plaisir, je les mettrai sur la table pendant l'émission. Le vendredi 9 septembre, j'ai hâte de voir ça. Ah, bah, ça va être cool, tiens. Bon, Luna arrive dans un instant, vamos à la playa. Et puis dans 3 minutes, on vous appelle, peut-être en direct, peut-être chez vous, pour vous rembourser. C'est votre facture 6322, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans 3 minutes, c'est peut-être chez vous qu'on appelle. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Vamos à la playa, ami me gusta bailar. 7h09, c'était Luna à l'instant, vamos a la playa. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire, sauf si vous partez en vacances, là, que vous êtes sur la route de l'aéroport et que vous allez partir loin, enfin loin, pas forcément loin, mais là où il y a du soleil, parce que j'ai entendu là, à Rome, il y a plein soleil, à Venise, il y a plein soleil, donc c'est pas très loin en absolu. Non, en soi, ouais, c'est 33 degrés, alors qu'ici, bon, il fait chaud aussi, mais par contre, il fait bien dégueulasse, mais enfin bon. Bon, 7h09, bonjour et bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio et on va maintenant vous rembourser votre facture. Ce sera dans 2 minutes. D'abord, on va prendre Hassan qui est là. Salut Hassan. Salut. Comment vas-tu? Ça va, hein. Bon, bah tant mieux alors. Toi, t'avais la réponse. Déjà, t'as quel âge? T'appelles d'où? J'appelle de Bruxelles. Bruxelles, 26 ans. Très bien. Alors, attention. Donc, toi, tu n'as pas de lecteur MP3. Tu n'as rien. Donc, c'est pour ça que tu joues. J'ai rien du tout. J'ai même pas de voiture. Oh là là là là là là là là là. Bon, alors, on va essayer d'arranger ça. Pas pour la voiture, mais pour le lecteur MP3 en tout cas. Tu as la réponse à quelle est la personnalité la plus détestée du monde? Paris Hilton. Eh bah oui, Paris Hilton. Hein. Paris Hilton, Charlie Sheen, Britney Spears, Tiger Woods et Kanye West qui arrivent en tête du classement des personnalités les moins appréciées aux États-Unis. C'est un sondage qui a été mené par Reuters, donc ça va, c'est pas non plus les Mongols. Et puis ceux qui sont le plus aimés, donc c'est Denzel Washington, Sandra Bullock et Betty White. Voilà. Ça va. Hein. Bah ouais, c'est plus discret, on va dire. Ouais, c'est ça, parce que Betty White... Betty White, je savais pas non plus, mais Sandra Bullock et Denzel Washington. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air sympa, mais bon. Eh bah bravo à toi, Hassan. C'est gagné, je te renvoie au standard pour prendre tes coordonnées, d'accord? Ça va. Salut à toi, à bientôt. Ah, il est déjà parti. Ah voilà, pardon, il est parti, il est parti. Il y a pas de problème. Allez, on va payer les factures maintenant, c'est parti à 7h10. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Voilà, on va payer vos factures. Et les factures sont tombées. Tiens, facture 150 euros pour le capteur de pression du filtre à particules de la voiture, 89 euros pour du parfum, assurance auto, 208 euros pour l'électricité, 256 euros pour le prêt de la voiture, 812 euros pour la réparation de la voiture. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? Si 400... tu vois une facture médecin et pharmacie, c'est la mienne. Non, mais je t'ai déjà dit que tu es la mutuelle. Bon, ah, ça, là, Julie, arrête un peu maintenant. Là. 6322, débutez par facture votre message avec le montant et l'objet de la facture. Alors que si tu t'achetais des chemises un peu plus affriolantes. Allô? Allô? Ça irait mieux. Ben voilà. Allô? Allô? Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? On est désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je sais pas, j'entends cette voix un peu triste. Quoi? Ah non. Ah bon, d'accord, ça me rassure. Un peu apeuré surtout. Oui, qui est au téléphone? Alice. Oui, mais qui t'appelle? C'est Michael. Je connais pas ce nom, mais... Ah oui, voilà, il me semblait bien. Non, mais il y avait des affinités comme ça, alors que bon, au final, on se connaît pas des masses. Hein. Quel âge a Alice? Oui, Alice, tu as quel âge? J'ai 58 ans. 58 ans. Juste pour être sûr. Non, c'est bien aussi. Hein. Alice, tu t'es inscrite pour donc on te rembourse ta facture? Oui. Eh ben, très bien, Alice. Combien est la facture? Quel montant? 700 euros. Ah oui, quand même. Hein. Ah ben, ça n'est pas donné. Oui. Hein. C'est pourquoi? Pour du charbon. Pour du charbon, d'accord. Ok, très bien. Écoute, du charbon, c'est cher le charbon de nos jours. Hein. Hein, ah, charbon, c'est pas donné. Ouais. Et puis ça pollue et c'est mal. Et ça pollue et c'est mal. Bon, eh ben écoute Alice, l'affaire est pliée comme ça. Tu vas pouvoir te chauffer tout l'hiver, ah, tout l'été d'ailleurs. Ah oui, ah bah surtout l'été à mon avis. Hein. Bon Alice, passe une bonne journée Alice. Je te fais des bisous et tu reviens quand tu veux. Je te remercie beaucoup, Mickaël. Oui, oh bah avec plaisir. Passez une bonne journée. Oui, oui, oui. Tu peux remercier Greg aussi, hein, le patron. Hein, GERG, voilà. Je remercie tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de problème, problème. Ah. Allez, salut à toi, Alice. Ciao, bye bye. Bon, et puis les autres, si vous voulez vous inscrire pour les paiements de facture, là, 6322, débutez le message par facture. Vous laissez votre le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis on vous remboursera ça avec plaisir. Dans un instant, l'horoscope avec Doudou. Et puis au niveau du son maintenant, à 7h13, c'est Maroon 5 qu'on écoute avec Christina Aguilera. C'est Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bonne matinée, c'est mardi aujourd'hui, le 23 août. Maroon 5 à l'instant avec Christina Aguilera, c'était Moves Like Jagger. Et c'est parti à 7h16, c'est parti maintenant pour l'horoscope. Fun Radio, l'horoscope. Voilà l'horoscope. Doudou, si je puis me permettre. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous me devez 5 euros. Ah bon, pourquoi? Parce que vous m'avez dit hier de jouer au loto, j'ai joué, j'ai rien gagné. Ah oui? C'était dans l'horoscope. Ah oui, c'est... oui, mais il faut voir à quelle heure, hein, c'est ça le problème. Quoi, quelle heure? Bah, à quelle heure vous avez joué? Bah, 7h, 6h30. Ah oui, c'était peut-être encore trop tôt. Hein. Bah, c'est pour ça, il faut pas jouer trop tôt. Hein. C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous faites en maillot de bain aussi, Doudou? Je comprends pas très bien. Bah, je me suis dit, comme il pleut tout le temps chez vous, j'allais économiser la douche, hein, je vais aller prendre une petite douche sous la pluie. Ah, c'est ça l'odeur? Non mais vous pouvez pas faire ça, Doudou, hein. Bah, ça marche pas comme ça. Hein. Pourquoi pas, c'est naturel et en plus ça préserve la planète en économisant l'eau. Oui c'est vrai, vu comme ça effectivement. Bon, allez, on va commencer avec les béliers. Des petites flottes sans suite vont vous faire du bien aujourd'hui. Très bien, les taureaux. Soyez tolérants et ne vous laissez pas arrêter par les fautes des autres. C'est difficile. Hein. Oui, c'est parce que j'ai fait une faute, j'ai écrit aux fautes des autres et ça voulait rien dire. Ah bah oui. Les Gémeaux. Ah, Gémeaux, quelqu'un que vous aimez pourrait vous décevoir. D'accord, les cancers. Vous courez le danger de tomber dans un piège qu'on vous provoque. Ouh là là. Oui, alors ne vous énervez pas pour rien. Ah, c'était pour Julie, ça, les cancers. Les lions. Il serait temps de faire la différence entre les amis et les profiteurs. Évidemment. Les vierges. Vous allez nouer de nouveaux contacts professionnels qui vous seront importants pour l'avenir. Les balances. Pardon, oui, non, c'était... C'est les scorpions, on a déjà fait les balances. Oui, c'est vrai, les scorpions. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Parfois, c'est de la merde. Oui, les sagittaires. Vous aurez la cote dans tous les domaines. Amour, vie, couple, amitié et famille. Pourquoi je suis pas sagittaire? Ah, oui, ça. Ça, je sais pas. Les capricornes. Vous allez devoir vous battre pour remettre votre compte en banque à niveau. Les Verseaux. Tout d'abord, réfléchir et ensuite seulement agir. Et enfin, pour finir, les poissons. Une escapade amoureuse pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Bon, eh ben regardez le résultat avec Julie. Oui, bah c'est ça, hein. Ouais, hein? C'est clair. Elle n'est pas poisson, hein, non. Doudou. Hein. Non, mais par contre, elle a fait l'escapade amoureuse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a vu le résultat. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bonne douche, Doudou. Hein, ah, et puis oui, vous avec plaisir, à tout à l'heure. Vous revenez dans une heure et propre, alors. Hein. Bah oui, je suis comme un sous-neuf. Eh ben tant mieux. Alors, on va s'écouter le son de Luncenzo maintenant avec Donomar Densa Kuduro. Si vous aimez ce style de musique, je ne peux que vous donner rendez-vous tous les vendredis soirs entre minuit et 1h du mat avec Manu, c'est l'Invasion Latina sur Fun Radio. Luncenzo maintenant, il est 7h19. Bonjour et bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Le son de Lucenzo à l'instant, Danza Kuduro sur Fun Radio. Si vous aimez le style, donc comme je le disais, hein, comme Julie qui est en train de danser, elle s'est presque mise nue d'ailleurs. Et ça me motive, hein, tu vois, danser le matin. Elle comme est ça. Contente, Julie. Ah ouais, elle est heureuse. La pluie, moi, ça me rend. Mais c'est ça, mais c'est le principal, j'ai envie de dire. C'est le principal. Voilà, donc c'était Lucenzo, donc rancard tous les vendredis soirs entre minuit et 1h du mat, si jamais bah, vous aimez ce style de musique. C'est l'Invasion Latina avec Manu sur Fun Radio. Vous pouvez d'ailleurs lui envoyer des mails, hein, manuel@funradio.be. Si jamais vous avez des petites demandes particulières comme ça, n'hésitez pas. Et puis toujours plein de messages aussi qui arrivent par rapport à l'inscription pour le paiement des factures. Ça reviendra bien évidemment dans un peu plus d'une demi-heure. Donc si vous voulez vous inscrire, vous faites maintenant le 63-22. Vous débutez le message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et si vous êtes tiré au sort dans un peu plus d'une, dans un peu moins d'une heure, pardon, hein, juste après les infos de Julie alias Mark Simpson, eh bien vous repartirez avec le montant de la facture en fait, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et vous repartirez donc avec ce pognon peut-être. En tout cas, ça vous coûtera 1€ par message. On parlera de karaoké également tout à l'heure. Et alors j'ai vu une information relativement sympathique, hein, tu me donneras ton avis, Julie. Ouais. Apparemment. Alors, la première fois que t'as couché avec un garçon, c'était à quel âge ? J'avais 17, je pense. 17 ans, d'accord. Et apparemment, c'est le sexe qui réduit la délinquance chez les ados. Oui, j'ai seulement vu ça. Sur le long terme. Alors, c'est, j'ai vu ça, je me suis dit, je vais en parler, parce qu'à mon avis, ça m'intéresse étoffe. Mais... mais moi, je suis prêt à réduire la délinquance, il n'y a pas de problème. Bon, si ça peut aider. Dites-nous, vous qui êtes derrière la radio, la première fois que vous avez une relation sexuelle, c'était à quel âge ? 30-44 pour nous le dire, ou sur le Facebook, sur mikael.fm. Et donc, les psychologues de l'Université de Texas à Austin ont démontré que les adolescents en couple avaient des relations sexuelles romantiques. Et donc avec des relations sexuelles romantiques auraient moins tendance à développer des comportements antisociaux que ceux qui s'abstiennent ou ceux qui vont comme Toff à gauche, à droite, un jour oui, un jour non, logique, etc. Sans soutenu par quelqu'un, tu vois. Voilà. Ah, moi j'aurais pas dit soutenu, mais après. Ouais. L'adolescence, c'est difficile à traverser. Donc quand t'es avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile, tu te sens soutenu. Oui, c'est vrai que c'est peut-être difficile. Et donc, donc Toff, à quel âge c'était la première fois, toi ? C'était 16 ans. 16 ans, d'accord. Oui, 16 ans. C'est bien aussi, hein. Mais aussi, c'était pas mal. Mais non, mais j'ai attendu un peu, tu sais. Je voulais être prêt, je voulais faire ça avec la bonne personne. Mais t'as raison, mais t'as raison. Mais et oui, franchement, mais c'est bien. Et toi, Mickaël, est-ce que tu dirais, hein, toi ? Bah, moi, on me demande pas, donc moi, je dis rien. Je te pose la question. Moi, la première fois, c'était à fin des 16, tout début 17. Ah ouais, ouais, plutôt à quelques jours de. Rien à voir avec l'anniversaire, hein, que ce soit pas ringard. C'est bien un truc ringard. Pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire. Allez hop, on va coucher ensemble. Super. Voilà, donc dites-nous la première fois. On sait tous que c'était à 11 ans. Non, la 17 tout à l'heure. Donc 17. dites-nous. Ah oui, 17, pardon. Dites-nous, vous, la première fois, quel âge vous avez couché avec un garçon ou une fille pour la première fois. Comme ça, on verra si effectivement vous avez eu plus de chances d'être un délinquant ou pas. C'est une étude qui a été faite par des Texans. Donc, on ne sait pas très bien si ça peut vraiment être bien ou pas. Mais bon. Donc, ouais, c'est logique en fait. Oui, ça c'est sûr. On en parlera. Donc, 30-44 pour vos messages. Allez-y. Et sur le Facebook, mikl.fm. Ne bougez pas. Dans quelques instants, la blague du jour va débarquer. Et puis l'info aussi avec Julie sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 7h28 sur Fun Radio. Et puis je vous avais posé la question là, de savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle, vous qui êtes derrière la radio là, dans votre voiture ou chez vous à la maison ou dans votre lit, on sait jamais, il y en a qui ont encore la chance de dormir à ce temps là moi j'ai 19 ans, j'ai jamais eu de relation sexuelle, ma religion me le permet pas avant le mariage, bah, comme ça au moins c'est plié, c'est arrangé, on est tranquille. Message aussi qui est arrivé, j'espère que vous m'avez pas oublié pour Mickaël réveille la Belgique de ce matin, j'ai toujours pas eu votre appel, c'est Juliette. Non mais on va faire le jeu là dans moins de 10 minutes, donc si vous aussi vous voulez vous inscrire pour Mickaël réveille la Belgique, il y a aussi des cadeaux à gagner, notamment des packs Destination Finale 5. Vous vous inscrivez au 3044, débutez votre message par réveil. Et nous avons Alain maintenant pour la blague du jour. Salut Alain. Allô Alain. Nickel. Comment vas-tu Alain ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va bien. T'as quel âge Alain ? J'ai 16 ans moi. 16 ans, d'accord, ok, très bien. Alain, attention, la blague du jour juste avant les infos, on t'écoute. Ben, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui raconte une fille. Et il dit à la fille, écoute, je vais dire la vérité, je n'ai ni un gros compte en banque, ni de grosses voitures, ni des villas, ni une île à moi, mais par contre, j'ai un pote qui a tout ça. Alors la fille, là, elle est toute émue, avec les larmes aux yeux, elle lui serre dans les bras et elle dit, si tu m'aimes vraiment, présente-moi ton pote. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un coup. Fun Radio. Ah, on reconnaît bien les filles vénales. Ah bah oui, bah soi-disant, on est toutes vénales. Allez, bah oui, la preuve. Une minute avant les autres, 7h29, je tiens à préciser, les infos maintenant avec Marc Simpson. Salut à tous, les orages violents ont encore éclaté cette nuit. Le Brabant Wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Caves et routes inondées, coulées de boue. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie qui s'est déclaré ce matin un peu avant 2h, probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé et n'a fait aucun blessé. La foudre a également privé d'électricité certaines parties de la commune de Gerpine. La pratique de l'euthanasie est en hausse en Belgique. Le cap du millier par an devrait être franchi cette année. Ce sont plutôt des hommes qui y ont recours et plus souvent en Flandre. 8 euthanasies sur 10 sont dues aux suites d'un cancer et dans 92% des cas, le décès était attendu à brève échéance. Testacha va introduire une plainte contre Bruxelles Airlines et Ryanair, et ce en raison de certains suppléments de prix appliqués par ces compagnies aériennes et précisément par le Credit Card Fee, un supplément demandé par la compagnie aérienne pour l'utilisation d'une carte de crédit comme moyen de paiement. L'association de défense des intérêts des consommateurs demande aussi aux autorités d'analyser si les tour opérateurs Jetair et Thomas Cook respectent la loi. Pokelpop, les festivaliers peuvent récupérer leurs objets perdus auprès de la police d'Assel. Les documents retrouvés tels que carte d'identité, carte 6 et abonnement de train seront quant à eux envoyés à la zone de police la plus proche du domicile de leur propriétaire. Dans l'affaire DSK, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre, Nafissatou Diallo, la victime présumée, aurait trop menti, même si il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. Le juge devra se prononcer à la mi-journée et si la fin de la procédure pénale est plus que probable, les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé au début du mois une procédure civile devant un tribunal du Bronx pour obtenir des dommages et intérêt. En Libye, la résidence de Kadhafi est pilonnée par l'OTAN actuellement. Les rebelles ont envahi la capitale et ils attendent les renforts venant d'autres régions. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier dans la presse, les fils de Kadhafi sont toujours en liberté et devraient encore être à Tripoli. Pour la communauté internationale, il faut se préparer à l'après-Kadhafi, car la fin de son règne est proche. Et prof, oui, ça, ça arrive. Ah, c'est Marc Simpson, elle n'a pas l'habitude de faire les infos aussi. Et puis enfin, à Paris, un enfant a été défenestré, pieds et poings liés. Un garçonnet d'une dizaine d'années a été retrouvé gravement blessé en bas de son immeuble à la Courneuve. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale pour laquelle le père aurait puni son enfant en l'attachant, tombé du cinquième étage. Par miracle, les jours de l'enfant ne sont pas en danger. 7h32 et un tour du côté de cette météo. Enfin, sincèrement, je pense même pas qu'on. Je vois pas pourquoi on perd son temps encore. Hein. Bah écoute, je vais le faire très bref. Pluie et averse, peut-être éclaircie dans le sud du pays, très lourd, 29 degrés. Demain, averse et orage, et un peu moins côté température. Tu vois, moi j'aurais fait météo dégueulasse. Fun Radio. Bon, la fin en plus, à 7h33. Justement, on parle de météo dégueulasse. Notre été n'a pas franchement été à la hauteur. Donc, beaucoup de gens... Si. Attends, c'est le plus bel été qu'on ait jamais et je tiens à préciser... Tu l'as passé où, notre été, là, ouais, ici. À Bruxelles-Plage. Voilà, c'est ça. Non, oui, Bruxelles-les-Bains, pardon. Notre été n'est absolument pas. Pas n'a pas été, car je te rappelle qu'il y a encore un mois d'été, là. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut préciser, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on regarde dehors, là, c'est-à-dire que c'est horrible, on se croirait sur Mars, il fait tout orange. Ouais, je me crois déjà franchement en novembre. C'est clair, ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, beaucoup ont donc été dans les cabines de bronzage pour se faire quelques UV, histoire d'avoir quand même, hein, si possible, un petit peu allé. Ouais. Et une nouvelle étude vient de prouver que les personnes adeptes des salons de bronzage présentent des activités cérébrales que l'on retrouve également chez les drogués. Donc en plus des risques de cancer et du vieillissement de la peau, les personnes qui aiment les UV peuvent en tomber totalement dépendantes. Ah ouais, c'est ça qui est vachement sympa en plus. Hein. Voilà. Allez faire des UV, comme ça vous serez complètement dépendant du bordel. Ah ouais, ça va être bien, tiens. Bon, on revient dans quelques instants, 7h34. Bonjour tout le monde, bon réveil également pour ceux qui sont en train de sortir du lit là. Puis bon courage pour ceux qui sont sur la route. D'ailleurs, dites-nous, on fera un tour du côté du trafic tout à l'heure. Si jamais vous êtes témoin d'un problème, un embouteillage, un radar, un accident, 3044, vous nous dites tout ça. Et au niveau de la musique maintenant, Katy Perry, la belle Katy Perry avec Last Friday. Friday Night sur Fun Radio et dans un instant ce sera Mickaël Réveille la Belgique sur Fun. Katy Perry à l'instant sur Fun Radio à 7h37, c'était Last Friday Night. Bonjour tout le monde, et un message aussi qui est arrivé, ça c'est par rapport au trafic, on y fera un autre tour dans un instant. N90 inondé à hauteur de Gilly, à Hatt, il y a des grelons de la taille d'une pièce de 20 centimes. Ah oui quand même. Il y a quoi aussi, bonjour tout le monde, ici à Lessines, orage violent, prudence sur les routes, c'est donc Nat de Lessines. Bon courage également, donc ceux qui sont sur la route. Ah oui non, et ça va tomber ici aussi là, a priori ça... Ça tombe aussi sur Bruxelles. Ça douche donc. Ah ouais, ouais, ouais, je te confirme. Bon, nous avons Juliette qui est avec nous maintenant. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Mais très bien, et vous? Mais oui, t'appelles pour le Mickaël Réveil la Belgique. Ouais. Et en plus, exactement. Et en plus, il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est mon anniversaire. Attends, j'ai une petite musique pour toi pour l'anniversaire. Oh, c'est oh mais gentil. Oui, je sais, je suis trop gentil. Écoute bien. Voilà. Ah, c'est super ta musique. Oh, oh, oh. Voilà, bon anniversaire. Carton, merci, j'adore. Attends, c'est pas fini. Ah, je sens que Julie veut le même. Je suis fan. T'as vu ce que j'arrive à faire avec mes doigts? Moi aussi, là, j'adore. Voilà. Super, merci, les gars. Bon anniversaire. Merci. Oh, Julie est choquée. Alors, ça y est, on est en train de parler pendant 1000 ans. Là, alors, ils sont une grave moque. Ça y est, c'est ça. Non, mais attends. Tu vois, pour moi, il est un peu tôt pour ce genre de choses. Oh, c'est un bon anniversaire. Mais oui, c'est vrai, ça, bon. Bah, Julie, t'es choquée, toi, 24 ans, là? Non, franchement, il n'y a pas d'heure. On va l'appeler mamie maintenant. On saura que Julie n'est pas du matin. Hein. Ouais. Bon alors Juliette, t'appelles pour le Mickaël Réveil la Belgique. Le concept est simple, oui. Donc il va falloir pour gagner des cadeaux directement aller dans la chambre d'à côté, chez les parents, chez le frère, chez la sœur, chez le copain, chez les voisins, peu importe, les réveiller violemment en criant tous les matins Mickaël Réveil la Belgique sur Fun Radio. Tu peux également ajouter des accessoires, un seau d'eau, un pistolet à eau, etc. Oui, c'est bien une petite musique de Dorothée bien oppressante parce que ce sont les 16 ans de mon petit frère et comme ça me touche, vu que moi je dois me lever pour étudier et que lui peut dormir. D'accord, attends, c'est les 16 ans de ton petit frère. Vous êtes né le même jour en fait. Vous êtes né le même jour, mais avec 8 ans d'intervalle. Voilà, exactement. Papa s'est bien visé. Ouais. Ah oui, c'est pas mal, mais félicitations, papa. Bon, bah, réveille le petit frère, quel âge il a? Il a 16 ans. Ah oui, c'est vrai. Comment il s'appelle? C'est ça que je voulais dire. Louis. Ah, d'accord. Ouais. Ah, papa, c'est moins bien visé au niveau des prénoms. Ah non, c'est bien ça, Louis et Julien. Bon, allez, vas-y. On y va. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Allez, Louis, il est midi moins 10. On t'attend pour manger. Allô Louis. Ouais. Bon allez, donc, bonjour, mec. Bonjour là, Louis là. Comment ça se passe Louis là? 7h40 du matin là. C'est quoi cette histoire? T'es en direct à la radio sur Fun? Oui, oui, non mais en fait, non mais il y a ta sœur là, Juliette, qui râlait un peu parce qu'apparemment elle a mal travaillé, elle a fait que des examens pourris, donc du coup elle doit recommencer, donc elle râle parce que toi tu dois rien recommencer, donc du coup tu peux dormir quoi. Donc elle avait un peu la rage et donc elle t'a réveillé. Ouais. Voilà. D'ailleurs elle a raté quoi ta sœur? Ouais, écoute. Bon, écoute, passe une bonne journée Louis et puis bon anniversaire à toi. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bon anniversaire à vous deux d'ailleurs. Et nous on revient dans un instant sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. On parlera de l'infotrafic dans un instant et nous aurons bien sûr la ligne anti-relou sur Fun Radio. Il est 7h41. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël à la radio. Exact, il y a 7h45, un tour du côté des problèmes sur les routes. Il y a toujours cet accident sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat. Et les auditeurs nous signalent que la route est très glissante, soyez prudents. Et également un radar mobile sur le 40 un peu avant la sortie Berlot. D'accord, très bien. Et puis à Hatt aussi, il y a des grelons d'atteinte, une pièce de 20 centimes, on en avait parlé tout à l'heure. La N90 aussi inondée à hauteur de Gilly. Bref, c'est tous les messages qui arrivent au 30-44, donc allez-y, n'hésitez pas. Puis un petit message pour Toff également de Sarah qui dit « Moi je suis du matin », parce qu'on en parlait tout à l'heure. Eh bien, écoute, Sarah, viens à la radio. Et je suis également du matin. Oui, oui, c'est ça. Attends, il est de tout le temps. Oui, il est de tout, lui, il n'y a pas de problème. 0473 86 00 13. Yo! This is c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. En toute simplicité. Et voilà, vous donnez ce numéro-là à tous les relous de Belgique, 0473 86 0013. Et puis bah nous, tous les matins, on écoute les messages que ces relous vous ont laissés. Parce qu'ils pensent qu'ils appellent chez vous, sauf qu'en fait, ils n'appellent pas vraiment chez vous. 0473 86 0013. Écoutons le premier de ce matin. Bonjour, c'est Philippe qui m'a donné ton numéro au lin du Garden. En fait, t'avais pris un relou en frites avec deux mayonnaises. Et donc, on a perdu le pied. Tu avais plié Oui, tu as d'ailleurs coupé ton vol au vent avec la main droite, tu as fait deux allers-retours. C'est hyper flippant, ces mecs qui observent chaque détail comme ça, ils y pensent comme ça, ils ressassent des détails de mayonnaise, donc moi ça me dépasse. Tu tenais ta fourchette de la main droite. C'est ça. La voix ça l'a pas dépassé, mais la mayonnaise oui. Hein, oui. Donc trouvez le problème avec, avec Julie quand même. Hein. Bon, mais j'ai l'habitude chez avec moi. Ta voix donc. Oui, c'est vrai. Pour te découper, ça me ferait plaisir. Quelle horreur. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, Julie. On va louer un hôtel, enfin, on va louer une chambre, comme tu as dit. On est tous les deux ensemble, on y va. Ouais, c'est bien. Maintenant, tu m'as dit, mets-toi à l'aise, j'arrive, j'ai le préservatif. Moi, je suis à poil dans le lit, mais une demi-heure, puis je suis pas revenu. Alors, moi, c'est comme. Je me rends et je jette tout seul ou. Tu viens m'aider. Bah, je pense qu'à un moment, il va falloir, se faire une raison. Hein. Allez, salut. C'est pour moi. Hein. En plus, tu laisses un message. C'est quoi, ça fait rare. Non, c'est quoi ça, Julie? Et donc Julie, c'est notre Julie. Hein, donc, non, je n'ai rien à voir là-dedans. Apparemment, elle était avec un mec dans un hôtel. Elle a laissé crois là. Vraiment qu'un mec comme ça, avec un mec pareil, j'irais dans un hôtel, quoi. Oh, écoute, je sais pas. Jamais. Après, tu fais ce que tu veux. Hein, elle nous dit qu'elle est pas du matin, mais en fait, si. Oui, c'est ça. Avant elle est du matin. À la radio. Elle est du matin et des relous. Voilà, du matin, des relous et tout ce qu'on veut. Et puis le dernier message laissé sur la ligne anti-relou. On écoute tout de suite. Bonjour mademoiselle X, je suis Calao. Vous m'avez contacté sur Je Contacte justement et vous m'avez laissé votre numéro. Donc comme je suis intéressé, ben, je vous l'appelle. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Une fin de journée à vous. Et voilà, on a grillé directement le mec qui venait d'un site de rencontre. Mademoiselle X. Bonjour Mademoiselle X, c'est Yvan1304. Oh là là, non. J'espère que vous allez bien. Choisissez vos pseudos un petit peu mieux alors. Ouais, et ça c'est clair. Il y a Golgot69 aussi qui est pas mal. Ah ouais, pas mal. Très original. Ça m'étonne pas, ça tient. Bon, c'est le 0473-86-0013, le numéro de la ligne anti-relou à donner à tous les relous de Belgique. On compte sur vous pour que ce numéro soit mondialement. Non, mondialement on s'en fout, mais en tout cas soit nationalement connu. Oui, parce qu'au niveau des États-Unis, de la France, on s'en fout un petit peu. Mais en tout cas, dans toute la Belgique, ça doit être reconnu. Puis un petit message qui vient d'arriver, accident sur le 25 après le tunnel de Coin vers Louvain-Bruxelles. Bande de gauche neutralisée. Et voilà, c'est le message qui vient de tomber donc à l'instant au 30-44. Et puis la question qui colle, toujours l'électeur MP3 a gagné. Quel âge a le plus jeune pasteur du monde? Si vous avez la bonne réponse, 30-44, 50 centimes le message. Quel âge a le plus jeune pasteur du monde? Petit indice, ça se compte en un seul chiffre. Quoi? Comment est-ce possible? Oui, mais c'est un scandale. Voilà. Oh là là. Bon, quel âge a le plus jeune pasteur du monde? Il y a l'électeur MP3 à gagner. 30-44, 50 centimes le message. Et les Black Eyed Peas qu'on écoute à 7h49. Black Eyed Peas avec Don't Stop the Party sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est mercredi aujourd'hui, 23 août. Le son des Black Eyed Peas à l'instant sur Fun Radio, Don't Stop the Party, puis des messages qui sont arrivés en disant on est mardi, hein. Oui, apparemment j'ai dit qu'on était mercredi 23 août. Et donc, oui, tu es pressé d'en finir avec la semaine. Oui, bah comme tout le monde, hein, mais du coup j'ai donné un faux espoir à tous ceux qui viennent de se réveiller. Ouais, qui se sont dit on est déjà mercredi, génial. J'ai sauté une journée. Ouais, génial. Non, on est bien mardi 23 août. Voilà, 7h53 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Message qui vient d'arriver encore au niveau des trafics, là, travaux sur le 42 à hauteur de la sortie Verviers-Lambermont en direction de Malmedy, 5 km de fil. Bonne journée, c'est Yves. Ouais, bah bonne journée et puis bon courage à tous aussi d'ailleurs. Hein. Bon, ce matin, Tof se prend pour un casque bleu puisqu'il cherche un hôtel pour le colonel Kadhafi. Bah ouais, mais tu sais, comme il va devoir fuir la Libye là, que ça devient super chaud pour lui. Je crois qu'il a déjà fui, hein, ou en tout cas ça va pas tarder effectivement. Bah, je sais pas, on sait pas trop, mais bon, moi je me suis demandé si en Belgique il pourrait trouver un hôtel malgré ses petits problèmes avec l'OTAN. Oui, c'est ça. Et à 6h50, on avait appelé à Bruges d'ailleurs, et ça s'était plutôt bien passé puisque la personne était plutôt ouverte à accueillir le colonel dans l'hôtel. Hein. Voilà, donc du coup, je me dis, Tant qu'à faire, essayons à Bruxelles, comme ça il doit pas aller trop loin, il pourra tout de suite en sortant de l'avion arriver à l'hôtel, donc essayons à l'hôtel à Bruxelles. Eh bah essayons tant qu'à faire à l'hôtel à Bruxelles, alors c'est parti, on va composer, et le temps de composer d'ailleurs, je vous rappelle aussi la question qui colle, quel âge a le plus jeune pasteur du monde? On proposait 8 ans, c'est moins 10 ans, c'est moins 6 ans de Marianne, c'est moins 7 ans pour le plus jeune pasteur, c'est moins 6 ans, c'est moins... Bon bah vous savez que c'est en dessous de 6 maintenant, hein. Vous avez le choix entre 0 et 6. Et 5, parce que 6 c'est la mauvaise réponse. Donc 30-44, il y a des cadeaux pour vous. C'est des lecteurs MP3, voilà, c'est parti, on y va, hôtel à Bruxelles, on sait pas où on va, mais on va à Bruxelles, c'est le principal. Allez hop. Comment ça devrait être un bonjour? Oui, bonjour, si ce serait pour la réservation. Un instant s'il vous plaît. Je remercie. Foute ta gueule, ouais, faut que je rêve. J'ai l'impression. Bonjour, monsieur Bastien, mais qui voudrait que... Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, madame. Ce serait pour faire une réservation assez rapidement. Je voulais savoir s'il y avait de la place. Pour quand, monsieur? Les plus vite possible. Donc, mardi jusqu'au... Compte une semaine pour commencer. OK. Et c'est pour combien de personnes, s'il vous plaît? Alors, il faudrait la grande suite pour le patron. Et après, il faudrait 4 petites avec, pour mettre le reste des bouffons. Mais donc, à la suite présidentielle, il n'y a aucun problème. 3 500 € la nuit. C'est parfait. Nous avons la suite exécutive à 1 700 euros ça va, la ça. Nuit. On n'a que 3 suites. 3 suites. 3 suites. 3 suites cette nuit. Bah, c'est pas grave. On va prendre, on serre un peu. Hein. OK. Et ça sera au nom de? Alors, ça sera au nom de Kadhafi. K-A-D-H-A. F-I. Donc, K-A-D comme Daniel, A-F comme France, I, Kadhafi. Avec l'IH, il y a l'IH après le D. Ah, pardon, après le D, donc Kadhafi. C'est ça. Et le prénom? Mouanar, M-O-U-A-D-I-Z-N-A-R. Excellent. Ok, je peux prendre un numéro de téléphone, s'il vous plaît, monsieur? Ça, s'il ne marche pas très bien, je peux donner l'adresse email? Oui, bien sûr. Alors, l'adresse c'est M. Comme maman. Si ça, point. Kadhafi comme les noms. Donc K-A-D-H-A-F-I, oui. Exactement. @ Libya, comme les pays, point org. O-R-G. Oh, oh. Parfait. Et je peux prendre un numéro de téléphone ou... Pour le moment, chez nous, les téléphones chez nous, ça ne marche pas très bien en ce moment. C'est un peu... Les communications, elles sont un peu pourries. Il me faut un numéro de carte crédit en tant que garantie, s'il vous plaît. Ah oui, mais ça c'est pareil en fait. Les banques, elles ont bloqué les cartes de crédit. Mais c'est pas grave, on va payer avec l'argent liquide. Hein, et on vient avec les valises. Vous n'avez pas un numéro de carte crédit international ou quelque chose? Si. Avant tout ça, on n'avait pas de problème. Mais là, c'est bloqué, tout bloqué. C'est depuis, c'est un peu le bordel au pays, alors tout est bloqué. Juste un instant, je vais voir si je peux m'arranger avec un de mes collègues. Oui, merci de vous avoir patienté, monsieur. C'est pas problème. Bon, donc je fais ça pour vous. D'accord, si gentil, madame. Ça ira. Donc vous allez recevoir les 3 confirmations par email d'ici voir 5-10 minutes. D'accord, j'y check et après on s'en va. Ok. D'accord. Allez, je remercie beaucoup, madame, pour ta gentillesse. Ok, je vous en prie, monsieur. Allez. Merci. Allez, bijoux. Bijoux. Non mais c'est ouf. Bonne femme, elle est d'accord. Aucun problème. On meurt Kadhafi, donc on sera à Bruxelles, hein, visiblement. Voilà. Enfin, bon, s'il savait pas où aller, maintenant il sait qu'il peut venir. Au Conrad, j'ai réservé une semaine. Voilà, hey, 3 700 € la nuit, ça rase. Waouh, hey, elle doit être belle la chambre. Hein. C'est-à-dire que c'est fourni avec tout. C'est fourni avec toutes les options du monde, c'est pas possible. Bon, il y a plein de messages qui arrivent aussi en disant que ça pleut, là, il pleut grave, il y a des grelots qui tombent de partout, coupure de courant sur MAF et toujours des grelots. Long d'ailleurs, ouais, alors là pour ceux qui ont entendu sur la fin de l'appel avec Top là, c'est un orage au-dessus de Bruxelles, au-dessus de la radio. Donc on se l'est bien pris en pleine tronche, là il arrive aussi, hein, donc on est avec vous, on suit les intempéries, pas de problème. Radio. 7h59, une minute avant les autres, les infos, de nouveau avec Marc Simpson. Salut à tous. Oui, bonjour. Les orages violents ont encore éclaté cette nuit et ce matin même. Le Brabant Wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Caves et routes inondées, coulées de boue. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie qui s'est déclaré ce matin peu avant 2h, probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé et n'a heureusement fait aucun blessé. La foudre a également privé d'électricité certaines parties de la commune de Gerpine dans la région de Charleroi. La pratique de l'euthanasie est en hausse en Belgique. Le cap du millier par an devrait être franchi cette année. Ce sont plutôt des hommes qui y ont recours et plus souvent en Flandre. 8 euthanasies sur 10 sont dues aux suites d'un cancer et dans 92% des cas, le décès était attendu à brève échéance. Le bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean refuse le passage de la City Parade. Le grand défilé de musique électronique doit se dérouler le samedi 27 août prochain entre la gare du Nord et l'avenue du Port sur les territoires de Schaerbeek, Bruxelles-Ville et pour quelques centaines de mètres normalement Molenbeek. Mais Philippe Moreau a refusé en dernière minute pour des raisons de sécurité en cause des emails homophobes. Pukkelpop, les festivaliers peuvent récupérer leurs objets perdus auprès de la police de Hasselt. Les documents retrouvés tels que carte d'identité, carte 6 et abonnement de train seront quant à eux envoyés à la zone de police la plus proche du domicile de leur propriétaire. Dans l'affaire DSK, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre, Nafissatou Diallo, la victime présumée, aurait trop menti ces dernières semaines, même s'il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. Le juge devra se prononcer à la mi-journée. Et si la fin de la procédure pénale est plus que probable, les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé en début du mois une procédure civile pour obtenir des dommages et intérêts. En Libye, la résidence de Kadhafi est pilonnée actuellement par l'OTAN. Les rebelles ont envahi la capitale et attendent les renforts venant d'autres régions. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier, les fils de Kadhafi sont toujours en liberté et devraient encore être à Tripoli en ce moment. Pour la communauté internationale, plus de 6 mois après le début du soulèvement, il faut se préparer à l'après Kadhafi, car la fin de son règne est proche. Et enfin, à Paris, un enfant a été défenestré, pieds et poings liés. Un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé gravement blessé en bas de son immeuble à la Courneuve. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale pour laquelle le père aurait puni son enfant en l'attachant. Tombé du 5e étage, par miracle, les jours de l'enfant ne sont pas en danger. 8h02, la météo. Pluie, averse et orage au programme de la journée. Normalement, cet après-midi, le sud devrait voir quelques éclaircies. Il va faire très lourd aujourd'hui, jusqu'à 29 degrés. Demain, pas compte, hein. Averse et risque de vagues d'orage, toujours à prévoir sur l'est du pays. Températures qui vont perdre quelques degrés. Ah, avec ce qui est en train de tomber sur au-dessus de Bruxelles, apparemment, ce qui tombe un peu partout, vu tous les messages que vous envoyez au 3044, là, a l'air d'être violent quand même. L'info en plus, elle arrive dans 20 secondes. Restez bien là. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, on aura la réponse aussi à la question qui colle. À quel âge a le plus jeune pasteur du monde? On savait que c'était moins de 5 ans en l'occurrence. On proposait 1 an, donc quand même c'est plus. 2 ans c'est plus. Bon, maintenant vous savez quasiment. Hein. Et des lecteurs MP3 à gagner au 3044 si vous avez la bonne réponse. Et on vous appelle aussi dans 5 minutes pour vous payer vos factures. Je vous explique comment juste après l'info en plus. Alors si je vous dis laissez-les pendouiller, ça vous fait penser à quoi? Laissez-les pendouiller. Oui, les cloches, oui. Eh bien non, l'association de défense des animaux Gaïa appelle la population masculine à ne pas porter de caleçon le vendredi 9 septembre pour protester contre la castration sans anesthésie des porcelets mâles. Et tu viendras sans bien. Culotte ce jour-là? Mais non, ça n'a rien à voir avec moi, parce que dans ma culotte, il n'y a rien qui pendouille. Par solidarité. Non, mais c'est pas ça, mais tu peux venir seins nus, laisser les pendouiller. Non, comme c'est la castration des porcelets mâles, tu vois, il y a quand même rapport avec le Moi, je pensais qu'elle allait dire, mais ça ne pend pas chez moi. De oui, quoi tu viens me parler? Ça ne te dit plus déjà. À 27 ans, c'est trop tard. Ouais, c'est terminé. Ah, oui, apparemment, il y a du soleil. Bah écoute, t'as bien de la chance. Hein. Oui, apparemment, dans le sud de la Belgique aussi, Arlon, il y a du soleil, tout ça. Mais alors, au milieu, là. On est traversé par une grosse d'orage. Oui, voilà, c'est ça. J'allais être vulgaire, mais finalement, c'est bien comme ça. Bon, dans un instant, on vous paye votre facture. 63-22, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et on vous appelle d'ici quelques instants, juste après le son de LMFAO avec Natalia Kills sur Fun Radio Champagne Showers. 8h08, Smith, Natalia Kills et LMFAO. À l'instant, c'était Champagne Showers. Il y a un message qui est arrivé qui dit, en parlant de douche, tiens, avoir un orage qui défonce ton vieux, ton Velux, pardon, jusqu'à 4h du mat, alors que tu pars au boulot 3h après, c'est carrément génial. Faux. Ah ouais, j'ai vécu pareil, hein. J'ai vécu exactement la même chose, là. C'est-à-dire, je me suis réveillé à 4h du mat, je partais une heure après. Ne pas avoir de Velux, c'est ça ouais, qu'il faut. Ouais, bah oui. Mais enfin bon, tu vas pas le faire enlever quand même, maintenant. Je crois qu'il est là, il est là. Bon, dans un instant, on se fera la parodie de l'émission avec Kinvey. Ce sera le morning. Et avant cela, nous avons Amir, 23 ans de Serein. Salut Amir, 23 ans de Serein, comment vas-tu ? Salut Fan Radio, ça va et vous ? Ça va. Comment ça va à Serein là ? Il pleut aussi ou pas là ? Non, il fait grise, on va dire. Il fait grisé. D'accord, ok. Bon, écoute, peut-être que les orages vont pas passer au-dessus de chez toi, faut voir. En tout cas, ils sont bien au-dessus de Bruxelles pour l'instant, à voir. Ils sont passés toute la nuit. Ah ouais, mais à Bruxelles aussi, ils sont passés toute la nuit. Mais ils sont bien, ils sont tranquilles. Bon, Amir, tu as la réponse, toi. Donc, quel âge a le plus jeune pasteur du monde ? Alors, il a 4 ans. Oui, alors il a 4 ans, effectivement, ouais. Donc voilà. Donc, on connaissait évidemment la passion des États-Unis pour les mini-miss. Alors, désormais, donc, il y a les mini-pasteurs, hein, qui voient le jour. Donc, il a 4 ans, il s'appelle Kenan Tipton. Et donc, c'est le cadet d'entre eux, probablement, hein. Et donc, il a déjà une certaine expérience derrière lui, puisque ça fait déjà 2 ans qu'il prêche dans l'église de son père, dans le Mississippi. Alors, écoutez bien, parce qu'on a un petit extrait de la manière dont il fait tout ça. Écoutez bien. Non, mais il a déjà tout ce qu'il faut, hein, écoutez. Ah, il est au taquet, hein. Ah, il est au taquet. Attends, c'est des malades, ces gens. Ces Américains, ah ouais. Ils sont pas normaux. Quoi. Ils ont des problèmes. Et alors, le truc, c'est qu'il est habillé en pasteur, quoi. Tu sais, pantalon de costard, chemise blanche, il a une cravate, mais une cravate d'adulte, donc elle lui arrive à la moitié des genoux. Oh là là. Pauvre petit loup, quoi. Laissez-le jouer au camion de pompiers. Non, il veut pas jouer au pasteur. Voilà, c'est ça. Faire comme papa. Mais oui, comme papa. Bon, bah, Amir, en tout cas, bravo à toi, c'est gagné. On va t'envoyer les cadeaux très rapidement. Je t'envoie de nouveau au standard, d'accord? Yo, merci beaucoup. Salut Amir, à bientôt. Salut. Ciao. 8h11 sur Fun Radio et c'est le moment maintenant de payer les factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Eh oui, et ça tombe tous les jours ici. Restez bien à l'écoute de Fun Radio puisqu'au 6322, en s'inscrivant, en débutant le message par facture, c'est 1€ par message. Vous débutez donc par facture, vous laissez ensuite le montant de la facture et l'objet de la facture et on vous appelle en direct 3 fois par matinée afin de vous payer votre facture. Allez, on appelle, je ne sais pas chez qui on va, je sais pas. Ah d'accord, on ne sait pas combien le montant de la facture. 64 euros, d'accord, ok, très bien. Malheureusement, ça ne décroche pas. Eh oui. Bon, bah tant pis, hein. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. On va passer à côté. Ouais, bah on va laisser un message quand même. Enfin, s'il y a un répondeur à un moment ou à l'autre, non? Non, ah bah tant pis. Parce que la valise c'est 5 sonneries. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, bah tant pis, bah voilà, c'est parfait. Eh ben, on mettra le couvert tout à l'heure. Hein, si vous voulez vous inscrire, 6322, dans moins d'une heure, on remet le couvert. 6322, débuté par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on se fait la parodie du morning maintenant. C'est le morning avec Kinvey sur Fun. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop. Conneries là, tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas, non, non, le boss ne veut pas. Je t'emmènerai là où dès le réveil, m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil, tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin, m'éclater dans mon lit. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Tu veux l'espérer, oh, tu vas pas le choper. T'es peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Non, pas des masses. La parodie donc à l'instant, parodie donc de Kinvé. C'était le morning sur Fun Radio, fait par Sébastien Loeb qui fera la déclaration express dans quelques instants d'ailleurs. Et avec moi-même, dans un instant, Jean Rock avec Kedeluna et Florida. Ce sera I'm Right. Et puis message aussi qui est arrivé. Il y en a plein aussi au niveau des orages. Apparemment à la Louvière, ça tombe pas encore. Namur non plus, ça tombe pas encore. En tout cas, on suit tout ça. Donc, avec c'est vous déjà ce matin. Tombé à Namur. C'est déjà tombé. Ouais. D'accord. Ok. Bah alors ça vient par ici, donc ça va aller vers la Flandre. Oh bah ça va. Bon débarras. Ils sont ça flamands. Hein, ah, vous voulez tout. Bah, prenez les voilà. Orages. Tiens, bah voilà. On vous le donne. Eh ben c'est gratuit, c'est cadeau. Bon, allez, l'horoscope maintenant avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Bon Doudou, cette douche là, vous êtes content là? Ah là, c'était génial. Ah bah là, ça tombe, ah, ça oui, tombe. Oui. Ah, c'était parfait. Bah oui, j'imagine. Ah, j'ai adoré. Bah oui, bah là, il est tout propre en plus, c'est ah, bien. Ah oui. Ça a moussé tout seul, même pas besoin bah, de frotter. Oui. Bah, malgré l'été, parce que Doudou tout à l'heure, il y a une heure, a dit qu'il allait prendre sa douche dehors. Du coup, c'est pour ça qu'il était en maillot. Du coup, l'eau est chaude quand même malgré tout ou pas trop? Parce qu'on malgré qu'il fasse bon dehors. Ça fait un peu thalasso quand même. Hein. Ouais, ça tape fort. Hein, ouais, ça fait un peu surtout thalasso, mais c'était bien. Ouais. Ça m'a revivifié. Ah bah tant mieux. Bon, l'horoscope, les béliers, oui. Doudou. Des petits flirts sans suite vont vous faire du bien. Ah bah écoutez, tant mieux. Les taureaux. Soyez tolérants et ne vous arrêtez pas aux fautes des autres. Mais c'est dur à dire. Hein. Oui, c'était difficile cette fois, j'aurais pas dû la faire. Bah ouais. Les gémeaux. J'aurais mieux fait de dire soyez tolérants. Bon, les gémeaux. Les gémeaux, quelqu'un que... Ouais, ça aussi c'était dur. Hein. Pardon, je me suis perdu dans le texte. Donc les gémeaux, quelqu'un que vous aimez pourrait vous faire du tort ou vous décevoir. Les cancers, c'est comme Julie. Vous courez le danger de tomber dans un piège que l'on vous provoque. Alors ne vous énervez pas pour rien. Mais attends, Doudou, t'as quelque chose contre moi en fait? Tous les matins j'ai un horoscope de merde. Bah peut-être parce que tu as une vie qui va avec. Ah, c'est peut-être pour ça, effectivement. C'est pas con ça, tiens. Bon, les lions maintenant. Il serait temps de faire la différence entre vos amis et les profiteurs. D'accord. Les vierges. Ayez confiance en vous et ne vous laissez pas influencer. Les balances. Vous allez nouer de nouveaux contacts professionnels qui vous seront importants à l'avenir. Les scorpions. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Les sagittaires. Vous aurez la cote dans tous les domaines. Amour, vie de couple, amitié, famille. Les capricornes. Vous allez devoir vous battre pour remettre votre compte en banque à niveau. Les Verseaux. Tout d'abord, réfléchir. Ensuite, seulement agir. Et enfin, les poissons. Une escapade amoureuse pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Très bien. Alors bah mettez voilà. Des capotes. Oui, bah vaut mieux, oui. Bon, bah dans une heure, Doudou, hein, et puis allez vous habiller maintenant. Bah c'est fini oui, la douche. Je vais me sécher, puis c'est bon. Voilà, bah allez vous sécher, ce sera mieux comme ça, tiens. Et dans un instant, on va essayer d'appeler Vince, qui fait la libre antenne le soir, là, pendant les vacances. Ce qui devait passer ce matin, on l'attend toujours. Donc, je pense qu'il n'a pas dû se réveiller, donc on va le réveiller. Ce sera le réveil direct. Ce sera notre petit cadeau. Voilà. Que c'est ringard selon le réveil direct. Bah, sinon, c'est pour ça que j'ai vite rattrapé avec autre chose. Oh, genre. Sinon, on va chez lui et on. On fout le bordel. Ouais, mais il habite loin là. Mais non, il habite Anderlecht. Ouais, bah il habite Anderlecht, puis il y a maman qui est revenue, tout ça. Oh, donc, mais... le boxon là. Bon, Jean-Roch, Kedeluna et Florida maintenant, c'est I'm Right. Et puis on appelle Vince juste après en live sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 8h22 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est mardi aujourd'hui le 23 août, dans moins de 10 minutes les infos avec Julie alias Marge Simpson et on paiera vos factures, on paiera vos factures aussi tout à l'heure, 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture et on vous appellera tout à l'heure pour vous rembourser vos factures en live. D'ailleurs il y a des factures qui viennent d'arriver, 151€ pour l'eau, 287,76€ pour la contribution automobile, 386€ pour le cadastre, qu'est-ce qu'il y a aussi, 256€ pour le prêt de la voiture, cotisation football 250€, 128€ pour l'assurance d'une vieille VW Cox, ah bah oui c'est bien, bon, ça va, c'est pas cher ça encore, 142€ mais on sait pas pourquoi, réparation auto 300€, j'ai toujours ma facture de Beliacom, 676€ pour l'assurance, etc. Bon bref, 63-22, débutez votre message tout simplement par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, avant ça nous avons Xavier qui est avec nous maintenant. Salut Xavier. Ah, on n'a plus Xavier, on a perdu Xavier. On a perdu Xavier. Ah c'est dommage, c'était pour la déclaration express. Xavier. Mais oui, c'était pour la déclaration express et en plus Sébastien Loeb a pris beaucoup de risques puisqu'il s'attaque à Nirvana. Ouais. Ah ouais, avec The Man Who Sold the World. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal hein, si on peut pas l'avoir. Ouais. mais si jamais tu le rates, t'es viré. Je sais pas si t'es bien consciente ça. Parce qu'on ne touche pas, on ne touche pas à Nirvana comme ça. Ah, je crois qu'il va dire qu'à la base. À la base, j'étais sur Smell Latin Spirit, mais je me suis dit, je vais faire l'autre. Tu vois. Bon, Xavier le retour. Xav, t'es là ? Ouais, je suis là. Bon, nickel. Xavier, t'as quel âge toi ? 36. Combien ? 36 ? Oui. 36 ans, très bien. Et déclaration express, tu veux la faire à qui ? À Aurélie. À Aurélie, c'est qui ? C'est ta copine ? C'est ta future copine ? Ton ex-copine ? C'est qui ? C'est une amie que j'aimerais bien un peu plus, mais... Ah, tu aimerais bien la pécho. J'avais une expression à l'époque quand je faisais le soir, mais c'est dur aujourd'hui. Ok, d'accord. Évite peut-être, il est que 8h24. C'était cassé les pattes arrière, mais bon, après, c'était... Ok, bah voilà, tu l'as fait comme ça, hein, ça change. Non, c'était une question, je me renseignais. Bon, on y va donc, on va l'appeler... J'ai beaucoup les messages. On va l'appeler et tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire, et dès qu'elle te dit, bah vas-y, je t'écoute, tu lui dis, bah écoute. Et hop, on y va, on enchaîne, nous, d'accord. Allez, on appelle Aurélie maintenant. Pour toutes les Aurélie. Oh, c'est dommage, elle répond. Laisse un message. Bon, Xavier avait un truc à te dire, Aurélie, t'étais en direct à la radio sur Fun et écoute bien. Musique de bon tant pis, hein. Ça fait un an et demi que je t'ai rencontré dans le bar d'un ami. Je t'ai tout de suite repéré. Tu m'as offert une bière et ma top me servait de pose vert énorme. C'est autre chose que ton homme. Et si jamais je t'attrape, je te lâche plus, je te ferai pas mal, ni au cœur, ni au... Et voilà Aurélie, j'espère que cette déclaration express t'aura plu. Tu as bien compris que Xavier voulait un petit peu plus de toi que de l'amitié. Parce que bon, il se fait un peu chier avec l'amitié, donc il va passer autre chose, hein, il a fait un peu le tour. Donc il veut de l'argent, hein, voilà. Voilà Xavier, tout est dit là. Hein. Tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant, bonne d'accord. Bonne chance, Xavier. Salut, Xavier. Ciao à toi. Et puis les autres, si vous voulez aussi faire une déclaration express, vous êtes les bienvenus. 3044, débutez le message par déclaration. Et puis nous, on vous rappelle, vous faites un mail directement à Sébastien Loeb. Vous faites Loeb, L-O-E-B, @funradio.be. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h30, dans un instant les infos et avant ça la blague du jour. Attention, qui est là pour la blague du jour? Bonjour. Allô, la blague du jour? La blague du jour une fois? La blague du jour deux fois ? Bah pas de blague du jour. Ah bah tant pis, c'est pas grave, hein. On va passer directement aux infos. Alors du coup, en même temps, ça tombe bien parce qu'on n'était pas forcément en avance non plus, hein. Les infos maintenant à 8h30, c'est avec Marc Simpson. Oui, on t'entend mal. Voilà, il m'en fallait ton micro ou ce bouton. Oui, mais enfin, si tu t'occupes de ça en plus et que tu dingue, fais ça. Mal, on va c'est pas dingue, c'est dingue, c'est dingue. Eh bien, salut à tous. Les orages violents ont encore éclaté cette nuit et ce matin même. Le Brabant wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Caves et routes inondées, coulées de boue. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie et qui s'est déclaré ce matin peu avant 2h, probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé et n'a fait aucun blessé. La foudre a également privé d'électricité certaines parties de la commune de Gerpin dans la région de Charleroi. La pratique de l'euthanasie est en hausse en Belgique. Le cap du millier par an devrait être franchi cette année. Ce sont plutôt des hommes qui y auront recours et plus souvent en Flandre. 8 euthanasies sur 10 sont dues aux suites d'un cancer et dans 92% des cas, le décès était attendu à brève échéance. Le bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean refuse le passage de la City Parade. Le grand défilé de musique électronique doit se dérouler le samedi 27 août entre la gare du Nord et l'avenue du Port sur les territoires de Schaerbeek, Bruxelles-Ville et pour quelques centaines de mètres normalement Molenbeek. Mais Philippe Moreau a refusé en dernière minute pour des raisons de sécurité en cause des emails homophobes. Peu colpop, les festivaliers peuvent récupérer leurs objets perdus auprès de la police de Hasselt. Les documents retrouvés tels que carte d'identité, carte 6 et abonnement de train seront quant à eux envoyés à la zone de police le plus proche du domicile du propriétaire. Dans l'affaire des escales, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre, Nafissatou Diallo, aurait trop menti ces dernières semaines, même s'il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. Le juge devra se prononcer à la mi-journée. Et si la fin de la procédure pénale est plus que probable, les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé au début du mois une procédure civile pour obtenir des dommages et intérêts. En Libye, la résidence de Kadhafi est actuellement pilonnée par l'OTAN. Les rebelles ont envahi la capitale et attendent les renforts venant d'autres régions. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier, les fils de Kadhafi sont toujours en liberté et devrait être encore à Tripoli. Pour la communauté internationale, plus de 6 mois après le début du soulèvement, il faut se préparer à l'après-Kadhafi, car la fin de son règne est proche. Et enfin, un enfant a été défenestré pieds et poings liés à Paris. Un garçon d'une dizaine d'années a été retrouvé gravement blessé en bas de son immeuble à la Courneuve. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu à la suite d'une dispute familiale pour laquelle le père aurait puni son enfant en l'attachant. Tombé du 5e étage, par miracle, les jours de l'enfant ne sont pas en danger. 8h33 et la météo maintenant, hormis dégueulasse, voilà. Bah, pluie et averses effectivement sont encore au programme de la journée. Le sud du pays devrait voir quelques éclaircies apparaître. Il va faire lourd aujourd'hui jusqu'à 29 degrés. Demain, averses et risques d'orages sur l'est du pays. Le temps normalement sera sec ailleurs. Les températures perdront quelques degrés. Et un auditeur directement qui est sur Péroé aussi qui dit c'est la copali... l'apocalypse. L'apocalypse du côté de Péroé, on voit rien à 50 mètres, donc soyez prudents. Effectivement, allez, l'info en plus maintenant. Fun Radio. L'info en plus à 8h34. L'été est dégueulasse et donc il y a de plus en plus de gens qui filent dans les cabines de bronzage pour se faire un petit teint hâlé comme si on avait eu du soleil durant tout l'été. Et bien une nouvelle étude vient de prouver que les personnes qui sont donc adeptes de ces salons de bronzage présentent des activités cérébrales que l'on trouve également chez les drogués. Donc en plus des risques de cancer et du vieillissement de la peau, les personnes donc qui aiment les UV peuvent en tomber totalement dépendantes. Voilà, ils sont drogués aux lumières mauves. Exactement. Voilà, ils se mettent ça en pleine tronche, c'est pour passer une bonne journée ou une bonne nuit. Voilà. C'est... Plus t'y vas, plus t'as envie d'y aller. Oui, ouais, c'est vrai. Bon, cela dit, ça reste moins nocif pour la santé que le joint. Mais tant qu'à faire. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Enfin, allez. C'est... Oui, merci oui, merci pour cette remarque. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était c'est pas grave. Parfait. Par contre, moi, j'ai une question à toi. Qu'est-ce qu'il vient de me servir dans une tasse? C'est assez spécial. C'est, ça se boit, c'est pour toi. Ah oui, c'est pour toi. C'est... Non, vas-y, bois, pose bois. Pas de questions. Attends, non, ça fait super peur. Non, c'est bon pour ce que t'as, on dit. D'accord. C'est bon pour ce que t'as. Par contre, il faut enlever les petits trucs au-dessus avant de le boire. Ah, voilà. D'accord, ok. Donc, je laisse les auditeurs s'imaginer ce qu'ils viennent de me servir dans une tasse. T'inquiète pas, je suis en train de mettre une photo sur Twitter. Ah, voilà, ok. Non, mais vas-y, c'est bon pour ce que t'as. Ok, mais je peux pas le boire parce qu'il y a des trucs dedans. Bah, enlève-le. Mais comment tu... Où est-ce que tu veux bon, que je le mette? On fait ça juste après Cathy Hysterica. Donc, restez bien là, c'est Electric Violin. Et juste après, c'est le petit déjeuner. déj service. Si vous voulez vous inscrire au petit déj service, il y a des cadeaux à gagner évidemment. Ça se passe au 3044. Débutez le message par déj, D-E-J sur Fun. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Le son de Cathy Hysterica, Electric Violin sur Fun Radio, 8h38. Bon réveil tout le monde, le petit déj service. On va faire ça maintenant sur Fun Radio. Il y a des packs Destination Finale 5. Je vous rappelle également que Destination Finale 5, ça sortira eh bien dès demain dans toutes les salles en Belgique. Et si vous voulez vous inscrire pour repartir avec le pack Destination Finale 5, c'est les inscriptions qui se passent au 6322, 1€ par SMS. Vous débutez le message par destination et vous mettez tout simplement vos coordonnées. Voilà. Bon. Allez, santé, Julie. Alors j'y vais, je bois le truc bizarre. Oui, voilà, Toff lui a fait une petite potion magique pour guérir sa voix de Marge Simpson. D'abord, je tiens à savoir qu'est-ce que tu avais mis dedans. On aurait dit des espèces de fleurs comme ça qui avaient gonflé avec l'eau. Oui, c'est ça, ce sont des fleurs. Mais des fleurs de quoi? C'est des fleurs d'eau. Ce sont des fleurs pour te soigner. Ne t'inquiète pas. Je suis allé voir un grand marabout. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Doudou, c'est Doudou qui m'a conseillé. Doudou qui a conseillé. Bon, j'y vais, c'est très chaud, mais j'y vais. Alors vas-y. Déjà, ça pue, j'ai envie de le dire à toi. Ouais, oh là là là là. C'est bon pour ce que t'as. Tu vas voir, les infos de 9h, ça va être. Ouais, salut, ouais, super. Ah, ça va, c'est pas trop dégueulasse en fait. Ah, tu vois? Il y a un goût de thym. J'ai l'impression. Oui, effectivement. Et encore, hein, normalement, il y a Vince qui devait venir avec une bouteille de rhum pour te faire un vrai grog, mais malheureusement. Mais je dis merci à Vince de ne pas avoir entendu ton réveil. Ouais, malheureusement, il n'est pas disponible, donc c'est pas grave, on remettra un couvert demain. C'est pas dégueulasse, je pensais que ça allait. Non, et Toff, tu m'envoies un message à 5h30. Ouais, quand tu pars de chez toi, tu peux prendre une bouteille de rhum? Je dis oui, j'ai déjà parti là maintenant. Non, je t'ai envoyé ça, il était 4h. Quand je te l'ai envoyé quand je me suis levé. Attends, vous vouliez vraiment me faire boire du rhum, mais vous êtes des grands malades. C'est pour un grog. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai reçu ton message, il était 5h30. Qui est là maintenant pour le petit déj express? Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Bah, très bien. Ah bah tant mieux. Hein. T'es à quel âge? Dans quelle ville? J'ai 27 ans et je suis de Roux, à Charleroi. D'accord, très bien. Comment ça va Charleroi au niveau du temps là? Maintenant il fait bon, hein, mais cette nuit ça a été catastrophique. Hein. Bon, bah, très bien. Sinon on dit travail à 15, ciel noir et éclair. C'est Véro qui avait envoyé le message. Bon, alors, petit déj service pour repartir avec le pack Destination Finale 5 à 8h40. Le concept est le même que d'habitude. Il y a 10 objets sur un plateau de serveur, 10 bouteilles là aujourd'hui. Toff va devoir courir à travers tout le studio, faire le tour du studio. Et à son retour, combien restera-t-il de bouteilles sur le plateau? Tu as le choix entre 0 et 10. J'ai envie de te dire, ne sois pas trop optimiste. Oui, ne sois pas trop optimiste non plus, c'est un petit conseil d'ami. Alors attention. 3. J'expérimente une nouvelle technique. Ça fait encore plus peur. Alors attention, 3, donc c'est parti, go! Allez hop, on y va. Okay. Pour l'instant, il en reste 10. Il en reste 10. Il en reste 10. Ah, voilà. Reste donc, plus rien. La nouvelle technique parfaite. Ouais, mais c'est la faute de Julie parce qu'elle l'a accroché avec sa chemise. Ah, pas du tout. Alors là, n'importe quoi. Oh, quel mytho. Ah, si, j'ai été plus loin que d'habitude, t'as vu? Voilà, bon, tu vois. J'ai fait un mètre de plus. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est à cause de Julie que tu as perdu. Oh non, attends. C'est sa faute. Les bouteilles étaient encore sur le plateau, je me suis dit, c'est pas possible, il va réussir son truc. Il fallait au moins qu'il y en ait 7 qui tombent. Envoyez-lui des messages de haine, Julie, à faire du coup. Non, j'ai voulu aider. Ça arrive. Oui, ça arrive. Merci, dit, tu vois, les choupinettes. Bon, on embrasse tout le monde à Charleroi et puis gros bisous à toi et passe une bonne journée. Ouais, bisous. Je t'embrasse, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Et nous on revient dans un instant avec le son de Britney Spears, I Wanna Go. Il y aura également l'infotrafic, l'info en plus tout à l'heure et la ligne anti-relou, ça va débarquer d'ici quelques instants. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial, c'est énorme ce que vous faites. Tous les matins entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Et on fait ce qu'on peut effectivement pour le faire. 8h45, nous allons maintenant. Pourquoi il y a cette musique qui part? Nous allons maintenant faire un tour du côté de l'infotrafic. Infotrafic, qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Soyez prudents, il y a un objet encombrant sur le 400. C'est mon nez qui est encombré aussi. Ouais. Sur le 411 Bruxelles, Namur, Luxembourg, à hauteur de Hondelange. C'est le garde-boue d'un camion qui est sur la chaussée. Et suite à un incendie, la N507 Bruxelles en direction de Tournai, à hauteur de Tournai, eh bien, elle est fermée à la circulation et la chaussée est inondée sur le 42 Mons Tournai à hauteur de Antois. Très bien, donc si vous êtes témoin de quelque chose sur la route, un problème, un accident, un radar, tout ça, vous nous dites 30 44 50 centimes le message et puis nous, bien sûr, on fait suivre avec tous les autres auditeurs, bien sûr. 0 473 86 00 13. Yo, this is... c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. En toute simplicité, à 8h46, dernier rendez-vous avec les meilleurs relous de la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Numéro impérativement à connaître par cœur et à donner comme si c'était votre numéro à tous les relous qui vous prennent la tête quand vous êtes en soirée, quand vous êtes en boîte, quand vous êtes au resto avec des copains, des copines. Bref, il y a toujours des relous qui traînent à gauche et à droite. Hein. D'ailleurs, dans le sud, il y en a un avec Toff, n'est-ce pas Julie? Ah oui, ça, on a... Voilà. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Oui, tiens, ça c'est bizarre. Bah oui. Donc voilà. Moi qui fais tout pour toi, qui t'apporte l'amour tous les matins. Ça, par contre, j'avoue que Toff, c'est quand même bien prendre soin des gens. Ah ouais? Bah, ça, je pensais pas. C'est parce qu'il a une arrière-pensée, bah, t'inquiète. C'est probablement pour ça, oui. Évidemment, hein, tu crois il que c'est ça, tous les matins. C'est pas gratuit tout ça. Bon, la ligne anti-relou, c'est parti. On écoute maintenant le premier message. Ah, juste un message qui vient d'arriver au 3044. Embouteillage à partir de Halle jusqu'à Anderlecht. Oui, bon, un peu comme tous les matins, malheureusement. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Philippe qui m'a donné ton numéro au Lin du Garden. En fait, j'avais pris un vol au vent frit avec deux mayonnaises. Et donc, on a un petit peu discuté. Et, rappelle-moi. Mais voilà, mais oui, mais rappelle-moi. Alors, bah, oui. Qu'est-ce que c'est que cette voix qui fait peur? Mais oui, mais je suis Dexter. Hein. Ah, oh là là. Je vais te découper en morceaux. J'ai vu que tu avais pris deux petites mayonnaises avec ton vol au vent au Lunch Garden. Hein? Ah, quelle horreur. N'hésite pas à me rappeler, s'il te plaît. Ah oui, bah tiens, j'ai déjà aiguisé mes couteaux. On fera une découpe partie à la mais maison. Mais oui, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin, on écoute. Oui, Julie. C'est pour toi. On va louer un autre, enfin, on va louer une chambre comme tu as dit. Ah, c'est pas moi, non. On est tous les deux ensemble, on y va. Ouais, c'est bien. Maintenant, tu m'as dit, mets-toi à l'aise, j'arrive, j'ai pris les avatifs. Moi, je suis à poil dans le lit, mais une demi-heure, puis je suis pas revenu. Alors, moi, c'est comme. Je me branle et je jette tout seul ou tu viens m'aider? Dépêche-toi, hein. La chambre coûte cher quand même. Allez, salut. C'est pour moi, hein. En plus tu laisses la messagerie, c'est quoi, ça fait erreur. Non, c'est quoi, ça fait. En tout cas, c'est pas cool, Julie, d'emmener des mecs dans une chambre parce qu'eux, ils sont persuadés que ça va être la fête à la saucisse. Et au final, tu te bats, oui, je vais chercher des carbottes, c'est bien. Mais ça, c'est un petit peu dans tes rêves, Mickaël. Ce n'était pas moi. Par contre, le relou, apparemment, est très naïf. Hein. Oui, bah, complètement naïf. Mais c'est le principe du relou, hein. Il croit vite que les choses se font, alors que non. Entre naïf et con, la frontière n'est pas loin. Hein. Non, ça, c'est sûr. Non. Ça, c'est clair. Allez, dernier message maintenant laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Bonjour mademoiselle X, je suis Calao, vous m'avez contacté justement, et vous m'avez laissé votre numéro. Donc comme je suis intéressé, ben, je vous appelle. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Quelle fin de journée à vous. Et oui, hop là, encore quelqu'un qui était sur un site de rencontre et qui visiblement s'est fait... Mais attends, en fait, c'est hyper dangereux ce genre de truc s'est de rencontre. Berné. Hein. Bah oui. Bah là, ça va parce qu'il tombait sur un répondeur. On lui veut pas du mal, juste non, un peu se foutre de lui. Non, ça c'est sûr, mais rien de bien grave. Hier, avec les stagiaires, on est tombé sur un site. C'est-à-dire que plus explicite, tu meurs. Le site, il s'appelle Plan Cul. Oui, c'est tout est dans le nom. Hein. Mais au moins, tu vois, c'est clair. Oui, ouais. Moi, je préfère ce genre de choses qui est clair. Il y a pas de, tu vois, c'est rien de sournois là-dedans. En gros, donc si vous essayez de courtiser Julie, soyez cash. Allez-y. Allez-y, cash. Oui, mais bon, c'est mignon. Non, mais le jour où ce sera fini, parce que tout arrive à un moment ou à l'autre. Non, ça ne se finira jamais. Oh, c'est mignon. Oh, quelle naïveté. Que tu es naïve. Alors que tous les matins, il y en a une autre qui le rejoint sous la couette. C'est horrible ce que tu dis. Pendant qu'elle part à 4h30 du matin. On devrait l'appeler un matin pour vérifier. T'inquiète pas, on va le faire. T'inquiète pas. Ça va, c'est prévu. Bon, allez, la question qui colle maintenant. Toujours des lecteurs MP3 à gagner. Quelle est la particularité de Winter, le dauphin, dont l'histoire va être adaptée au cinéma? Donc, je répète, quelle est la particularité de Winter, le dauphin, dont l'histoire va être adaptée au cinéma? Si vous avez la bonne réponse, 3044, vous n'hésitez pas à participer. 50 centimes le message, c'est par SMS. On donne la réponse un petit peu avant 9h du mat. Et au niveau du son maintenant, Britney qu'on écoute tout de suite, Britney Spears avec I Wanna Go. Il est 8h51 sur Fun Radio. Bon réveil. Britney Spears à l'instant. I wanna go sur Fun Radio. Tous les matins, on est là, 8h54. Dans un instant, on paiera encore une fois vos factures avant de partir. 63-22, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis, on vous appellera d'ici un gros quart d'heure. Donc, allez-y. Et toujours la question qui colle. Donc, Quelle est la particularité de Winter, le dauphin, dont l'histoire va être adaptée au cinéma? Je peux vous donner un indice. C'est au niveau de la nageoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer au niveau de la nageoire pour que le film soit adapté, enfin pour qu'il y ait un film qui soit adapté d'histoire, etc., etc. Donc 30-44, il y a des lecteurs MP3 à gagner. Ouais, Julie elle proposait qu'il avait tourné dans un porno. Ouais, il y avait des messages aussi comme ça. Ouais. Il a tourné dans un porno. Ouais, c'est une Julie. Ah bah oui, moi j'ai l'esprit. L'esprit tordu, hein. À force de traîner avec Toff. Ouais, ça l'éteint sur moi. Ah oui, bah ça c'est sûr. Bon, alors après Bruges et Bruxelles, tu veux aller voir s'ils accueillent Qualifi ou Toff? Bah je propose d'aller à Liège, ils viennent d'ouvrir un putain d'hôtel 5 étoiles. Ah bon? Ouais, tout neuf et tout. Il a ouvert genre il y a je sais pas, 2 mois, un truc comme ça. Bah parce que ce matin, Toff a décidé de trouver un hôtel où Kadhafi pourrait venir une fois qu'il sera officiellement en fuite en fait. Ah voilà, oui, attends, le pauvre, j'ai pas laissé le de. Pauvre. Il va être SDF là, son bunker, ils sont en train de le ravager là. Bah ouais, le pauvre, c'est ça, c'est pas comme si c'était un dictateur quoi. Bah non, attends. Bah, non. Oui, mais enfin bon, il mérite bien quand même un petit toit au moins. Ouais, quoi. Un petit toit, ouais, c'est ça. Allez, on va à Liège. Bon, on va à Liège maintenant, c'est parti. Bruxelles, ils étaient plus qu'open. Bruges, ils étaient open, mais voilà. Donc on va voir maintenant à Liège, effectivement, s'ils sont oui ou non open. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Bonjour, Caroline, à votre service. Oui, allô, madame. C'est pour la réservation. Oui, je vous transfère directement. Je remercie. Ah, lui, c'est pas foutu de ta gueule, hein, par contre, au début. Allô, monsieur. Oui, allô. C'est pour quelle date? Ce serait rapidement, le plus vite possible. Pour combien de nuits? Ça chipe encore, hein, ça dépend. Ça va varier. Oui, mais nous sommes complets à partir de vendredi. Ah si, complet vendredi. Et oui. Bon, c'est pas grave, on va déjà prendre avant. Qu'est-ce que c'est disponible? Tout est disponible, il me faut juste un nom, le nombre de nuits et le type de chambre. Alors, ben, si possible... Votre nom? Ça sera au nom de Kadhafi. K-A-D-H-A-F-I. Je crois que... Ouais, à Liège, ils sont moins d'humour. Ils ont un peu moins d'humour à Liège, c'est dommage. C'est con. C'est bizarre pourtant. C'est bizarre. Bon, eh ben voilà, ça s'est plié. Beaucoup moins bien élevé à Liège. À Liège, ça marche beaucoup moins bien. Tant pis, c'est dommage. Bon, bah, mademoiselle Hulot, on va l'écouter maintenant. Toi, mon toi, les plus belles fesses de Belgique. Hein, c'est officialisé maintenant. Je la vois pas beaucoup en ce moment. Ah ouais, bah c'est dommage. Hein. Mademoiselle Hulot, vous retrouvez d'ailleurs évidemment dans Party Fun tous les samedis soirs pour un set d'une heure. C'est Toi, mon toi à 8h57. Bon réveil tout le monde sur Fun Radio. Petit poisson, Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Tout à fait, il est 9h du mat tout pile. Dans un instant, les infos. Mais avant ça, nous avons Gwen qui est avec nous. Salut Gwen. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Je suis sorti de l'embouteillage, donc ça va. Ah, c'est toi qui étais dans l'embouteillage entre Hall et Anderlecht, c'est ça? Tous les matins. Ben oui, c'est ça. Alors que si tu partais, parce que moi aussi je pars par là, alors si tu partais en même temps que moi vers 5h, t'auras pas ce problème? Oui, mais je n'aurais pas l'occasion d'entendre ta douce voix, ainsi que la douce voix de Julie. C'est pour ça, Julie, que j'ai envoyé aussi un message en conseillant l'infusion de thym. C'était toi. Alors merci beaucoup, mais j'ai fait effectivement ça tout le week-end et t'as vu les résultats. Et regarde ma voix aujourd'hui, ça va pas beaucoup mieux. Sur moi, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais merci en tout cas pour tes bons conseils. Merci beaucoup Gwen. Ils se moquent tous de moi quand je leur ai refilé le micro, on verra qui va rire. On n'oserait pas. On n'oserait pas. Voyons, pour qui tu nous prends? Bon Gwen, alors tu as la réponse donc. Quelle est la particularité de Winter le dauphin dont l'histoire va être adaptée au cinéma? Winter a une prothèse à la place d'un nageoire caudale. Oui, alors je vais vous expliquer. Effectivement, le 2 novembre 2011 sortira au cinéma l'incroyable histoire de Winter, le dauphin, avec Morgan Freeman et Ashley Judd. Le long métrage raconte le périple d'un dauphin qui a dû être amputé au niveau de la nageoire de sa queue après avoir été pris dans un piège à crabe. Autant vous dire qu'on va se marrer. C'est un film, tu te dis, j'ai hâte, 2 novembre, là, vite. Ça va être beau. Ça va être un beau film. Oh là là, quel magnifique film. Ça va être génial. Donc oui, effectivement, la dauphine, pour être précis, donc a eu la nageoire coupée par un piège à crabe et donc ils lui ont mis une prothèse et maintenant elle revit bien. Ils vont faire un film et elle va être géniale et elle va être contente. Elle va avoir des petits dauphins. Et tu crois qu'elle va sauter comme Flipper? C'était Willy. C'était Willy. Enfin, peu importe, mais en tout cas, elle va sauter. Elle va être contente. Ça va être génial. Bon, ben Gwen, bravo à toi. Tu iras voir le film? Oui, sûrement, oui. Oui, ah bah dis donc, t'as vraiment rien à foutre. Trop de goût. T'as vraiment que ça à faire. On sera vraiment pas nombreux dans la salle, donc ça sera bien. D'accord, ça va, très bien. Bon, bah oui, vous serez pas nombreux. Hein. Vous aurez l'air bien con quand ce sera le carton du mois, de l'année même. Peut-être. Bon, bah salut à toi, à bientôt Gwen. Ciao. Merci, ciao. Allez, bye. Bon, j'ai pas réussi à tenir mon engagement de faire les infos en avance. Incroyable. C'est la seule fois où je suis en retard. 9h02. Allez, les infos avec Julie. Avec la mère Fouras. Oui, bonjour à tous. Les informations aujourd'hui. Salut à tous. Les orages violents ont encore éclaté cette nuit et ce matin. Le Brabant Wallon et la région du Hainaut ont été fortement touchés. Cave et routes inondées coulaient debout. À Mons, une partie de la toiture de l'école des Ursulines a été détruite par un incendie qui s'est déclaré ce matin, peu avant 2h. Probablement causé par un impact de foudre. Il a été maîtrisé mais n'a fait aucun blessé, heureusement. La foudre a également privé d'électricité certaines parties de la commune de Gerpine. La foudre s'est aussi abattue à deux reprises ce matin sur l'entité d'Antoin près de Tournai. Une maison a été touchée à Maubray et un home pour handicapés a été détruit à Bruyelles. Aucune victime n'est à déplorer. La pratique de l'euthanasie est en hausse en Belgique. Le cap du millier par an devrait être franchi cette année. Ce sont plutôt des hommes qui y ont recours et plus souvent en Flandre. 8 euthanasies sur 10 sont dues aux suites d'un cancer et dans 92% des cas, le décès était attendu à brève échéance. Le bourgmestre de Bolenbeek-Saint-Jean refuse le passage de la City Parade. Le grand défilé de musique électronique doit se dérouler le samedi 27 août prochain entre la gare du Nord et l'avenue du Port sur le territoire de Schaerbeek, Bruxelles-Ville et normalement pour quelques centaines de mètres Bolenbeek-Saint-Jean. Mais Philippe Moreau a refusé en dernière minute pour des raisons de sécurité en cause des emails homophobes. Dans l'affaire d'ISK, le procureur demande l'abandon des poursuites. Selon lui, la femme de chambre Nafissatou Diallo n'a plus aucune crédibilité, même s'il ne remet pas en cause qu'il y a bien eu relation sexuelle. Pour le procureur, il est difficile de prouver le viol. Le juge devra se prononcer à la mi-journée et si la fin de la procédure pénale est plus que probable, les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé au début du mois une procédure civile pour obtenir des dommages et intérêts. En Libye, la résidence de Kadhafi est pilonnée par l'OTAN actuellement. Les rebelles ont envahi la capitale, attendant les renforts venant d'autres régions. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé hier, les fils de Kadhafi sont toujours en liberté. Pour la communauté internationale, plus de 6 mois après le début du soulèvement, il faut se préparer à l'après-Kadhafi, car la fin de son règne est proche. Et on fait un tour du côté de la météo maintenant à 9h05. Pluie et averses sont encore au programme de la journée. Normalement, le sud du pays devrait voir quelques éclaircies apparaître. Il va faire lourd aujourd'hui jusqu'à 29 degrés. Demain, averses et risques d'orage sur l'est du pays. Normalement, ailleurs, le temps sera généralement sec. Températures qui vont perdre quelques degrés. Très bien. Bah voilà, ton temps de merde, hein, si on a bien compris. Dans un instant, l'info en plus. Ça arrive dans 20 secondes. Non, bah, j'ai pas dit que c'était ta faute. Dans 20 secondes, l'info en plus. Un petit peu. Fun Radio. Allez, l'info en plus maintenant. Alors j'avais très envie de vous parler du slogan « Laissez-les pendouiller ». Oui. Qui à mon avis, déjà l'imagination de Toff, elle part dans tous les sens. Laissez-les pendouiller. Les seins des filles. Ouais. Eh bien pas du tout, c'est l'association de défense des animaux Gaïa qui appelle la population masculine, ça vous concerne les garçons, à ne pas porter de caleçon le vendredi 9 septembre. Eh oui, c'est la journée couille à l'air. Eh bien il y a quand même une raison à ça, c'est pour protester contre la castration sans anesthésie des porcelets mâles. D'accord, ok, bah c'est pour une bonne cause. Ben voilà. Mais oui, donc, évidemment. Le vendredi 9 septembre, je vérifierai par moi-même si vous avez suivi l'association Fais Gaïa. Attention parce que... Je viendrai en kilt, madame. Voilà, Toff attendra la vérification, hein, je te le dis direct. Hein. Alors, oui, je savais qu'il tiendrait 9 septembre. Ça à cœur. Voilà, et prends note, hein, donc c'était le mardi 23 août à 9h05 qu'elle s'est engagée. Hein. Voilà, donc comme ça, on récupère sur l'appli et hop là, on pourra le rediffuser. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, dans un instant, on va payer vos factures, 63,22 pour la dernière fois aujourd'hui. Débutez le message par facture, donc au 63,22. Vous mettez ensuite le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et bah, vous vous inscrivez, comme un message qui est arrivé pour 533 euros pour un frigo, raccordement aux égouts, ça pue la merde, oui, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Procès pour excès de vitesse, 150 euros. La voiture, la taxe voiture, 250 euros. 500 euros pour une opération de cancer pour le chien, c'est Elodie qui va envoyer le message. Oh là là. 170 euros pour un GPS, 68 euros pour Beliacom. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? 850 euros pour un réservoir de voiture percée. Ah oui, c'est bien cher ça. Hein. Les contributions aussi, c'est Christelle, 248 euros. Bref, inscrivez-vous, on fait un tirage au sort dans un instant. 63-22, débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et on fait ça après Pitbull et Marc-Anthony, Rain Over Me sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe plusieurs fois par matinée. Nous régalons. Voilà, on fait péter les factures. C'est aussi simple que ça. Les inscriptions, ça se passe au 63-22. Débutez le message par facture. Vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. C'est 1 euro par message. On proposait, oh là là, l'alliance de mariage, 1200 euros. Oh. Ah bah oui, c'est un beau mariage que tu essaies déjà de rentabiliser. Ça, c'est honteux. Bien cher. Hein. 165 euros pour une inscription à des cours. 304 euros pour une dispute par téléphone. En fait, j'ai rien compris. Quoi ? À mon avis, il a dû se prendre la tête avec sa copine au téléphone. Il devait être à l'étranger, ça a dû gueuler, donc du coup, ça a dû faire une note de ouf. D'accord, vu comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Assurance voiture, 176 euros. Assurance voiture, 650 euros. Bah, il y a un moment, il faut faire moins d'accidents ou prendre des voitures plus petites, hein, parce que 650 euros l'assurance, c'est cher quand même. Hein. Procès pour la ceinture, 50 euros. 246 euros pour Luminus, électricité en retard. Ah, bah voilà. Le gaz aussi, 671 euros. 79 euros pour la tondeuse. Bon, 63-22, inscription, on appelle Quintoff ? Allez, on y va, c'est parti. On rembourse, on appelle qui, on rembourse quoi? Enfin, on va tenter de rembourser quoi, parce que tout à l'heure ça n'a pas décroché. Je ne sais plus. D'accord, bah écoute, c'est bien aussi. Hein. C'est, écoute. Non, bah il faut bien que ça se passe de temps en temps comme ça aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Je ne sais plus, j'ai noté le numéro, mais j'ai pas noté pourquoi. Ok, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et si tu me laisses deux secondes, je vais retrouver. Oui, oui, c'est pour un appartement. Je l'ai acheté 250 000 euros. D'accord. Voilà, voilà. Bon, bah on va fermer. Hein. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez, encore. Oh non, pas deux échecs sur trois aujourd'hui, ça me ferait mauvais. Ça ferait mauvais genre. En même temps. Non. Quelle idée de pas être prêt de son GSM quand on veut se faire. J'avoue. Bon bah tant pis, hein. Et donc c'était 97 euros pour de la lingerie. De la lingerie. Tiens, le contrairement est tiens, ah, toi. Ouais. Eh bah ouais. Mais bon bah voilà. J'avais une chance sur deux que ce soit le mec hein, qui avait offert à sa copine. Hein, ah oui, ça c'est possible aussi, ouais. Bon bah c'est pas grave, tant pis, on remettra le couvert dès demain à partir de 6h. Soyez bien là au rancard bien sûr. 63-22, vous pouvez vous inscrire toute la journée. 63-22, débutez le message par facture. Facture. Merci Julie. Vous laissez ensuite le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Le dernier tour du côté de l'horoscope, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Et avant ça, ce sera Sac Noël avec Lock Happy People sur Fun. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. All day, all night. Hey, Julie, remue ton corps. Oui, je remue. Ah bah ça s'entend, hein. Je remue. What the fuck? Oh quoi? C'est parce que t'es malade? Ça dure 3 jours là? Ça fait 3 jours que t'es malade? Non, je suis malade depuis vendredi. Ouais, c'est vrai, ouais. What the fuck? Voilà, what the fuck? Ce que je vais dire. Fun Radio. L'horoscope. Ah oh, bah oui, l'horoscope c'est parti maintenant à 9h19. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça, Doudou, quand vous êtes habillé, puisque tout à l'heure il était nu, hein. Enfin, ah, en oui, maillot je quoi. Je suis bien d'accord, hein, parce que tout nu, je commence à avoir un peu froid. Hein. Oui, bah prenez l'habitude, hein, parce que ça va pas aller en s'arrangeant là. Hein. Mais vous voulez dire beaucoup plus froid? Oula! Oh, vous êtes bien loin du compte, hein, Dodo. Hein. Enfermez-vous dans un frigo et prenez l'habitude comme ça. Ah oui, quand même. Ah oui, vous allez voir, en hiver, on va pas rigoler. Hein. Ah oui. Ah oui, peut-être que je vais pas rester alors. Hein. Ouais, bah écoutez, faut confirmer. Hein, peut-être pas forcément que pour ça, mais bon, on verra. Ou alors je vais m'acheter un bon soleil personnel, je sais pas. Bah essayez, pourquoi pas. Bon, on va commencer l'horoscope avec les béliers, Doudou. Oui, des petits flottes sans suite vont vous faire du bien aujourd'hui. Très bien, les taureaux. Soyez tolérants et ne vous arrêtez pas aux fautes des autres. Les gémeaux. Quelqu'un que vous aimez pourrait vous décevoir. D'accord. Oh, c'est dommage. Bah oui, c'est con, oui. Les cancers. Vous courez le danger de tomber dans un piège dès qu'on vous provoque. Alors ne vous énervez pas pour rien. Très bien, les lions. Il serait temps de faire la différence entre vos amis et les profiteurs. Les vierges. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas influencer. Les balances. Vous allez nouer des nouveaux contacts professionnels qui seront très importants pour l'avenir. Les scorpions. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, c'est souvent de la merde. Les sagittaires. Vous aurez la cote dans tous les domaines. Amour, vie de couple, amitié, famille, tout va être parfait. Les capricornes. Vous allez devoir vous battre pour remettre votre compte à niveau. Les verseaux. Tout d'abord réfléchir et ensuite agir. Et enfin, c'est difficile. Bah oui, ça oui. Et enfin pour finir les poissons. Une escapade amoureuse pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Eh ben voilà, parfait. Surtout si vous allez à vélo sous la pluie. Ah, surtout, ouais. Bon, on vous retrouve demain, Doudou, en pleine forme, alors, j'espère, en tout cas. En pleine forme, je sais pas, avec le temps qu'il fait, je vais peut-être être malade. Ça, c'est pas faux, ça, c'est pas faux. On verra bien, on verra bien. Bon, dans un instant, on appellera Vince, qui fait la libre antenne le soir pour le réveiller, parce qu'il devait venir ce matin dans l'émission. Ça fait deux fois qu'il nous fait le coup, hein. Deux fois qu'il vient pas, donc on va l'appeler dans quelques instants. Et puis, on va s'écouter le son de Mika, en attendant avec Elle me dit sur Fun Radio. Il est 9h21. Bon réveil, tout le monde. Voilà le son de Mika à l'instant sur Fun Radio avec il me dit 9h24. Bon réveil si vous sortez du lit. Bah, il est mieux tard que jamais, hein. Il est temps là. Ah ouais, bon, bientôt on va se coucher, nous. La journée est finie là. Ah bah c'est fini, on va dormir. Bientôt les piquer un petit roupillon là. Bon, alors nous allons donc appeler Vince maintenant, hein. Vince de la libre antenne le soir. Puisqu'il devait venir ce matin, il n'est pas venu. On a bien compris comment ça se passait, hein. Des promesses, et puis après, rien du tout. Voilà. Les paroles. Exactement. Et on va l'appeler maintenant en direct. Et puis, on va voir si, déjà s'il va décrocher. Voilà, c'est ça le truc. Déjà, quand en normal, il a une grosse voix, mais s'il décroche au réveil. Ouais. Ça va être un numéro masqué, il va pas décrocher. Allô, oui. Allô. Oui. Bon, on t'attend toujours, hein. Comment ça? Ouais. Ouais, t'as pas oublié de te dire. Mike, attends, comment ça, tu m'attends toujours? Hier, quand on était à table, tu dis, ah bah je viens demain. Bah demain. Mais c'est parce que si. Demain, mais je viens demain. Et voilà. Je viens demain, c'est le mégaphone, voyons. Oh bah voilà autre chose maintenant. Allez, encore une excuse. Mais quelle mauvaise foi. Oh là là. Pas du tout, même pas. Oh là là. Quelle mauvaise foi avec Vince. Eh, c'est dommage, en plus, là, Julie, elle t'attendait avec la bouteille de rhum, là, parce que comme elle voulait faire un grog pour sa gorge. Bah ouais, maintenant, je vais être encore toute malade toute la semaine. Voilà. Ça aurait été bien sympa, ça. Ah bah ouais, ça aurait été plutôt sympa. Mais non, on t'attendait, t'es pas très déçu, très, très, très déçu. Toff, c'était minu pour toi, et voilà. Et rien. Mais c'est bien beau, ça, milieu au bout de mégaphone. Bah, je sais pas, mais pourquoi tu veux un mégaphone? On fera le mégaphone après. Déjà, montre que t'es capable de te lever. Ça, c'est pas un problème, je suis debout là. Ouais, ouais, t'es debout. Ouais. Bah, t'as la voix d'un mec debout, tiens. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, mais croise-moi, ça c'est toujours comme ça, les ouais, gars. Ouais. Oui, attends. Tu sais, en fait, il fait le style de mec, ça m'a... Mais même moi, ça m'est arrivé. Tu vois le téléphone qui sonne, t'es en train de te réveiller. Allô. Oui, bonjour, je vous dérange pas? Non. Pas du tout, je suis au taquet depuis à peu près 12 heures. Mais je vous réveille pas? Mais non, je suis debout depuis longtemps, voyons. Ouais, on a bien compris, ouais. Bon, bah Vince, bon bah c'est pas grave, hein, tant pis, on a bien vu qu'on ne pouvait pas te faire confiance. On ne peut pas compter sur toi. Mais c'est incroyable, ça. Mais moi, c'est le mégaphone et y a pas de soucis, je réveille tout le monde comme tu veux et je veux pas de le matin, y'a aucun problème. Très bien, eh ben on fera ça alors, pas de problème. Même Lucas là, il est là, il t'attendait, il se disait, oh Vince va venir, c'est génial, il est venu avec son kawaii pour le coup mais et oui, tout. T'es pas venu, hein. Et voilà, non, il est pas venu. Je repars alors. Déception totale du public, hein, ça c'est malheureux. Bon, enfin tant pis, hein. Bon, bah Vince, il sera peut-être là ce soir, hein, s'il arrive à se lever. S'il arrive à se lever à partir de 20h. Oui, je serai là ce soir. Très bien. Voilà, pour la libre antenne, dis donc, il va calmer là, le petit là, hein, parce que sinon je vais lui mettre deux claques et puis il va rentrer chez lui, hein. Non mais alors. Oui, enfin vu le gabarit, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un qui a le dessus sur l'autre. Hein. Attends, j'ai pas peur moi. Non mais non, ça non. Regarde, il n'ose même pas venir le matin à la radio. Oui, ça, il n'ose même contre. Pas, tu vois. Ah, la Vince, là, tu perds des points. Voilà. Bon, allez, Vince, à tout à l'heure pour la libre antenne. À tout à l'heure, 20h, ciao. Ouais, très bien, à tout à l'heure. Donc sinon vous pouvez l'appeler, hein, il est pas méchant. Hein. Oui, donc, non, donc, il adorera. Vous pouvez l'appeler, donc 0495. Il va gueuler. Dans un instant, Lucas, donc qui est là déjà pour le self. Il est vraiment venu en kawaii, hein, pour le coup. Hein. Et en vélo. Et en j'ai vélo. Choisi le jour, franchement, c'était ah ouais, super. C'est ça. Une blague. Mais non, mais j'évite la voiture quand il fait ce temps-là. Bah oui. T'évites la voiture, mais maintenant, il tourne des seaux d'eau, quoi. C'était la mauvaise idée. J'évite la voiture quand il pleut. La voiture, c'est dangereux. Préférons le vélo. Bah oui, c'est ça, mais bien sûr, c'était pas logique. Bon, allez, passez une bonne journée, tout le monde. On se retrouve demain à partir de 6h pour une nouvelle édition avec encore les factures, avec encore la ligne anti-relou, avec encore Julie qui sera malade, qui va parler comme ça à partir de demain matin. Ça s'améliore de jour en jour. Eh oui, ça va être génial. Allez, passez une bonne journée, tout le monde. À demain. C'était Julie, au revoir. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h.